je voulais réagir à une vidéo qui a été publiée la semaine dernière par le site mademoiselle.com réalisée par Myriam Hegel, à savoir comment s'habiller lorsqu'on va faire une IVG. Autrefois, c'était un article pour Madame Legorafi, aujourd'hui, c'est la réalité, ou du moins c'est surréaliste, mais on va dire que c'est devenu une question très sérieuse et hautement existentielle pour le site féministe mademoiselle.com. Et cette vidéo a bien entendu déclenché une grande polémique de la part des méchants réacs et des fachos. Et j'avais envie de porter à votre connaissance un florilège de commentaires de la communauté de mademoiselle.com, parce que je trouve assez intéressant d'étudier et de comprendre et de porter surtout à votre connaissance, comme je l'ai dit, la mentalité de ces personnes. Sinon, rien de mieux que son pyjama et Netflix en bonne compagnie pour passer le temps. Donc voilà, l'IVG, c'est un petit moment désagréable, donc autant commander une pizza, regarder des séries dans un bon pyjama. C'est un peu long, mais ça va passer, ça se limite à ça. Pratique, déculpabilisant, grand public, pour moi c'est l'essentiel d'un message sur l'avortement. Donc pour cette personne et pour ces personnes-là, il faut que l'avortement soit grand public, que tout le monde ait connaissance du fait que c'est un acte banal, gratuit, anonyme, accessible à tous, et que ça ne doit jamais être jugé, qu'on ne doit jamais vous faire la morale, qu'on ne doit jamais vous demander qu'est-ce qui vous a conduit à avorter, comment ça se fait que ce soit quand même la quatrième fois que vous ayez recours à l'avortement. Vous êtes totalement déresponsabilisé. Et c'est ce qu'elle recherche. Et elle répond en plus à l'idée, est-ce que la France est raciste, hein ? Je pense qu'il y a des Français, il y a des gens, des habitants, dont certains expriment un racisme plus ou moins fort. Je pense... Il y a des gens, des habitants, certains expriment... On commence par français, puis tu vois, ça va comme ça, là, ça diminue. Des gens, des habitants, qui... Mais en fait, elle n'ose pas aller jusqu'au terme blanc, parce que veut dire que tout le monde n'est pas raciste. Mais ouais, voilà, parce que moi, je n'ai pas lu son livre, mais est-ce qu'elle parle de racisme anti-blanc ? Est-ce qu'elle parle de la haine de plus en plus grande entre les Noirs et les Maghrébins en France, des deux côtés ? Est-ce qu'elle en parle ? Est-ce qu'elle parle de l'antisémitisme des Maghrébins ? Est-ce qu'elle parle même du côté anti-arabe de certains juifs aussi ? Ça existe aussi tout ça. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'elle en parle de tout ça ? Chaque semaine, 150 avions d'Air PNL s'envolent de France vers le reste du monde. Et cela demande un peu de réémigration. RPNL, votre trajet, notre projet. Responsabilité, aussi bien politique que médiatique, qui a décomplexé effectivement une partie de la population qui, dès lors qu'elle voit à la télévision, qu'elle lit dans les médias. Les racistes sont Alors, c'est les médias, c'est intéressant, parce que elle dit qu'il y a une parole décomplexée dans les médias. Moi, oui, c'est vrai qu'ils sont très racistes, nos médias. Ils sont très racistes. Ils nous disent tous les jours qu'il faut plus d'immigrants, plus d'immigration, que c'est une chance pour la France, un enrichissement culturel, économique. Dans les médias, comme tu le disais, il y a de plus en plus de Noirs et de Maghrébins. De plus en plus. Assez peu d'Asiates, d'ailleurs, soit en passant. Oui, ok, bah écoute, chacun voit midi à sa porte, hein, comme dirait l'autre. Hein. Ouais. Comme si l'islam était conquérant par essence. Exactement. Menteur, pharisien. C'est-à-dire faire un amalgame entre les musulmans. Si vous n'aurez pas mon poing dans la gueule, vous mériteriez. Elle a engagé, sous les influences de Philippot, une ligne politique de gauche. C'est une lesbienne hystérique, hein, c'est dans les campagnes, dans les villes. C'est pas d'agir, c'est un constat, elle est hystérique et lesbienne. Elle est inculte, ce qui nous plaît, c'est de s'éclater dans... Madame Le Pen, c'est la campagne d'Hitler. Ben voyons, j'ai appelé un autre imam qui m'a dit... Je l'ai attrapé chez mis deux barres dans la gueule, il a pété. Ne laissez pas la parole, quoi, on se croirait chez les bolcheviks. Mais ben voyons. En tout. Bah qu'ils aillent se faire foutre, ceux-là. ところにもまだハエが逃げていたとは。 ここで倒れるわけには。怖く本当の本当に痛いだ。この私がベジータごときに負けるなど。 サイヤ人に怯えて仕事をするつもりです。 こんなやつがまだいたなんてな。本気出させてもらうぞ。 Et salut à tous, bienvenue dans le rendez-vous dissident numéro 14, déjà 14, 16 semaines, ça fait 16 semaines d'affilée qu'on est là tous les dimanches soirs. Donc bienvenue à tous, à tous les auditeurs. Donc je vais vous présenter juste après les invités, mais je vais faire les petits rappels coutumiers. Donc d'abord dans la description vous trouverez tous les liens et le programme entier de la semaine. Donc vous trouverez les liens d'articles pour la revue de presse, vous verrez que c'est sympa. Le thème de la semaine qu'on abordera donc avec Henri Delesquin aujourd'hui, ce sera la reconquête culturelle. Hein. On ne parlera pas de remigration tout de suite. On parlera des sujets vraiment importants, de terrain. Donc ça c'était le premier appel. Vous trouvez toutes les rediffs des précédents épisodes sur la chaîne Raptor vs Wild. Tiens, c'est normal Alex ? Ah non, c'est bon. Vous trouvez donc sur la chaîne, Alex est à la régie. Ça va Alex ? Tu peux dire bonjour ? Ça va, tranquille. Tranquille, bon voilà. On présentera l'équipe juste après. Donc vous trouvez le lien pour les rediffs Raptor vs Wild dans la description aussi. Le lien vers toutes les chaînes d'invités qu'on va présenter, écoutez, dès maintenant. On va commencer par, allez, par Virginie Vota, les femmes d'abord. Virginie, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci. Bon alors Virginie, comme toujours, on peut te retrouver où? Alors toujours sur ma chaîne YouTube, le mardi et le samedi. Et j'ai... Allez, parle fort, vas-y. Je vais faire une vidéo assez intéressante mardi prochain, donc je vous conseille d'être là, où on va parler de la guerre d'Algérie et du rôle qu'a joué le général de Gaulle à travers, avec deux ouvrages très intéressants qui se complètent. Très bien, très bien. Adrien Abouzi, toujours présent. Oui, bonsoir camarade Raptor, oui. Comment vas-tu? Que deviens-tu? Toujours de gauche. Toujours de gauche. Bah, je change pas. Parfait. Toujours pour le vivre ensemble. Voilà. Militant PS. Non, moi je suis passé à En Marche là. Le PS là c'est ah de ça. La depuis, gauche depuis qu'ils ont pris leur locaux dans le 94 là dans un coin assez pourri j'ai non. T'as abandonné même la FI. Ouais. Ok, très bien. Bon bah t'as toujours ton livre donc d'édition Altitude. Tout à fait. Et non pas Atlas. Tout à fait. J'ai mis le lien, donc la France divisée contre elle-même. Voilà, tout donc, à fait. De quoi ça parle grosso modo? Grosso modo, pourquoi nous sommes effondrés, comprendre la décomposition de la France, comprendre la passivité des Français face à cette décomposition et essayer de donner quelques axes d'action pour se redresser. Très bien. C'est un livre pour rendre justice et combattre, c'est mon petit slogan. Eh bah, ben très bien. Et bien sûr, notre invité cette semaine. C'est monsieur Henri de Lesquin. Henri de Lesquin, comment allez-vous? Bonjour, cher Raptor. Bonjour à vous. Comment. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu qui êtes-vous? Écoutez, Henri de Lesquin, 69 ans, marié, 5 enfants, quelques petits-enfants aussi. Disons, pour l'essentiel, je suis un militant métapolitique, si vous me permettez cette expression. Très bien. J'ai fait de la politique électorale à Versailles, à plan local, mais. Pour l'instant, je suis surtout métapolitique, c'est-à-dire que je combats sur le terrain des idées politiques. Et je crois que c'est la grosse originalité du Carrefour de l'Horloge, qui existe sous le nom de Club de l'Horloge depuis plus de 40 ans, d'avoir combattu les idées de la gauche, autrefois collectiviste, aujourd'hui essentiellement cosmopolite. Très bien, et écoutez, on peut vous retrouver sur YouTube. Alors on peut me retrouver... Allez-y, parlez. On peut nous retrouver sur YouTube, j'ai une chaîne personnelle, Henri de Lesquin, et j'ai une chaîne Carrefour de l'Horloge. Et qu'est-ce que vous proposez sur YouTube à vos vidéos? Elles parlent de quoi? Alors les vidéos du Carrefour de l'Horloge sont les retransmissions de nos conférences, et pour ce qui est de ma chaîne personnelle, ce sont des vidéos sur des sujets extrêmement variés. La dernière, c'est sur les coqs, tocards et candoles. Parfait. Voilà, j'ai introduit ce mot de candole pour que l'on comprenne bien qu'il y a à droite, des gens qui ne méritent pas la confiance que certains leur accordent. Très bien. Bah d'ailleurs, je voulais que vous vouliez à la base parler des candoles. Et moi, je vous ai dit que vu que Papacito, alors c'est un... On est resté modeste cette émission. Fischer, c'est vrai? Ouais. Et incroyable. Tu vois que t'as des qualités. Je plaisante. Fischer qui nous lit les tweets toujours avec engouement, qui va en repérer pour l'audience royale. Qui sera la deuxième partie de l'émission où nos auditeurs, monsieur Desquin, nous poseront des questions, en particulier à vous, je suppose. Et puis voilà, ensuite moi, Raptor, pour vous servir. Vous pouvez me retrouver donc sur Twitter notamment, Raptor Coolest Raptor in the Jungle, je crois que c'est ça mon pseudo. Et sur Instagram où je dispense à l'aide d'un coach des services de coaching et vous pourrez vous renseigner sur tout ce que vous voulez savoir. Raptor vs Fonte sur Instagram. Donc écoutez, commençons. Hein, écoutez, vous êtes OK pour commencer? OK, bon, allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour la petite revue de presse. Donc cette semaine, j'ai sélectionné 4 sujets. Ça risque d'être assez rapide et assez intéressant. On va pas trop essayer de creuser. Le premier sujet, très cher... Et l'attentat misogyne de Toronto. Alors pour vous resituer un petit peu cette affaire pour les auditeurs, vous trouverez évidemment le lien dans la description de l'article. Pour vous situer un petit peu, En gros, on a un mec qui se revendique donc d'une communauté qui s'appelle les incels. Donc apparemment, ce serait des gens qui sont célibataires, qui ont coupé tout contact volontairement ou pas, hein, je crois que c'est assez involontairement, avec la gente féminine, et qui ont donc apparemment développé quand même une certaine frustration, puisque ça mène à renverser des femmes au volant, n'est-ce pas ? Donc en fait, le modus operandi rappelait évidemment les attentats islamistes. Et donc en gros aujourd'hui on va commenter pourquoi il s'agit d'un attentat. Et voilà, est-ce que quelqu'un veut commencer ? Allez-y, Henri de Lesquin. Oui, ce qui me paraît inquiétant et significatif dans l'attentat de Toronto, c'est ce que j'appellerais la dissémination des actes terroristes par imitation. Car certes, les attentats terroristes sont principalement, et presque uniquement d'ailleurs aujourd'hui, commis par des islamistes. Mais tout le monde, pour d'autres raisons, peut parfaitement imiter leur modus operandi. D'ailleurs, je rappelle que ça commence avant les islamistes, puisque l'attentat suicide que l'on prête aux islamistes, et qu'ils utilisent volontiers depuis quelques années, en fait, a été inventé à l'origine, ça n'est pas du tout une tradition musulmane, a été inventé à l'origine par les tigres de l'Ilam dans la guerre civile de Ceylan, qui n'intéresse guère les Français, mais qui a fait quand même quelques centaines de milliers de morts. L'enjeu était très particulier, donc c'est très loin de chez nous, ça nous concerne moins que évidemment le terrorisme islamique. Alors aujourd'hui, donc, c'est très très intéressant, je veux dire aussi très inquiétant, n'importe qui voit ce qui se passe et qui est un peu fêlé, parce que ce sont des cinglés, peut se précipiter sur une foule, puisque effectivement, on aurait pu y penser tout seul, mais si on veut tuer des gens, on prend une voiture et on fonce dans la foule. Et c'est très pratique, si on veut se suicider, et si on n'a pas peur d'être soi-même victime de son propre attentat, on peut faire cela. Et donc il y a une responsabilité médiatique d'ailleurs, parce qu'évidemment la répercussion que l'on donne à ces attentats, comment faire autrement d'ailleurs que d'en parler, incite des cinglés à imiter ce qui se fait ailleurs. Là il s'agit d'une secte, une espèce de secte. Internet a beaucoup d'avantages, notamment ça permet aux raptors de s'exprimer, il y a ses invités de s'exprimer, mais ça permet aussi à des groupes de cinglés de se constituer, comme ce groupe des incels, ce qui veut dire en anglais célibataires involontaires, qui sont des gens frustrés parce que les femmes ne veulent pas coucher avec eux. Qui ne sont pas puceaux par choix. Qui sont puceaux par fatalité involontairement, et qui trouvent qu'ils sont très beaux et que c'est vraiment la preuve du mauvais goût des femmes s'ils sont encore puceaux à 40 ans. Voilà, donc c'est d'ailleurs une des raisons, entre parenthèses, je change de sujet, pour lesquelles il faut absolument autoriser la prostitution. Vous savez qu'en France, elle est interdite depuis 2016, ce qui est une folie. Ça fait partie je suis pour l'interdiction de la pornographie, pour la rouverture des maisons closes, ce qui est la politique de Saint-Louis. Tout à fait. Adrien, tu veux enchaîner sur le sujet ? Alors, quand on parle du mondialisme, du cosmopolitisme, on évoque souvent les conséquences migratoires, on évoque souvent les conséquences sur la destruction du tissu industriel, etc. Il y a un sujet dont on ne parle jamais et qui n'existe pas politiquement, c'est le désastre amoureux et sentimental. C'est-à-dire que aujourd'hui, aucun pays occidental n'arrive à renouveler à lui seul sa population. Alors qu'il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune épidémie, donc théoriquement, on a un niveau de vie très, très élevé, donc théoriquement, on devrait avoir absolument aucun problème à renouveler nos populations. Or, on voit bien qu'on n'y arrive pas, et on voit que nous sommes dans une société qui est certes extrêmement permissive d'un point de vue des mœurs, donc qui théoriquement aurait dû permettre la procréation, mais on voit que cette destruction des valeurs traditionnelles a abouti à un désastre amoureux, à des désastres familiaux, je passe sur l'explosion du nombre de divorces, et à un désastre affectif. La question que je te pose, c'est n'y a-t-il pas toujours eu, encore plus avant, des alphas, donc eux ils appellent ça des tchads ou je sais plus quoi, des alphas qui volaient toutes les femmes, entre guillemets, aux bêtas, quoi. Bah écoute, quand la France était rurale et que la plupart des Français vivaient dans des villages, à mon avis cette configuration n'existait pas à ce point-là, et d'autant que les individus n'avaient pas un rapport de consommation. Pardonnez-moi, mais c'est pour ça qu'on a inventé en Occident le mariage monogamique. C'est un homme, une femme. C'est quand même notre tradition. La polygamie est profondément injuste de ce point de vue-là, non ? La polygamie n'est pas dans notre tradition et notre identité. En plus, en tant que chrétien, je rappelle qu'elle n'est pas autorisée par les commandements de Dieu et de l'Église. Voilà, mais cela dit, la raison principale de la décadence démographique dont parlait M. Abosi, c'est la destruction de la famille. D'accord. Et c'est l'avortement, qui est un crime... C'était un des sujets d'une dernière émission, d'ailleurs, l'avortement. Oui, mais d'abord la destruction de la famille, qui a été voulue depuis 50 ans. Donc vous pensez que par cette conséquence donc, d'une certaine politique cosmopolite amènera de plus en plus de monde à être seul, frustré, etc., et que ça peut fatalement engendrer ce genre d'action? Non, je ne pense pas. Je pense d'abord qu'à long terme, il y a des réactions spontanées, sociobiologiques. Depuis qu'on a inventé la pilule, l'avantage de la pilule et des moyens contraceptifs, c'est qu'ils sont plus utilisés par les gens de gauche que par les gens de droite. Ce qui veut dire qu'à terme, il n'y aura plus de gens de gauche. C'est ça. Bah, c'était le titre Les bobos ne font pas d'enfants, les bobos sont stériles. Donc les bobos sont condamnés par l'histoire sociobiologique. Le titre de l'émission était plus d'avortement, moins de gauchistes. Vous validez? C'est vrai. Validé par Henri de Lescun. C'est pas une raison pour approuver l'avortement, qui est un crime qui consiste à la mise à mort d'un être humain innocent, puisque. Je le rappelle, j'insiste sur ce fait qu'on ignore, qu'on veut faire ignorer. L'individu est constitué avec son âme et son génotype dès la conception, dès le moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule. Très bien, on va revenir sur le sujet avec Virginie. Virginie, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? La destruction des traditions et la destruction des familles, n'est-ce pas aussi avant tout même la conséquence de la déchristianisation, dans la mesure où on a aboli toute idée de devoir pour le remplacer par une idéologie de la jouissance, des désirs. Chaque individu se prend comme son propre référent, il n'y a plus de bien ou de mal. Et bien, ce qui me convient, me fait plaisir, correspond à mes aspirations, et mal, tout ce qui constitue une entrave, d'où la dissociation notamment entre reproduction et... jouissance. Et jouissance, qu'est-ce que je voulais dire? Et l'amour. Très parce bien. Que, avec la pilule, justement, on va s'amuser sans aucune conséquence. Alors, deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, Valérie Tola... Virginie Tola, pardon, excusez-moi. Vota. Je vous demande pardon. C'est pas Valérie Tola. Je vous ferai une gerbe de rose. J'y vais, Eric. A raison de dire qu'en fait, on a réalisé aujourd'hui le programme... Jusqu'au référent de Georges Vacher de Lapouze, qui voulait dissocier dans l'amour l'affectivité, la volupté, la fécondité. C'est-à-dire que l'affectivité, le sentiment qu'on a pour quelqu'un, la volupté, le plaisir qu'on en retire de ses relations avec ses relations charnelles, et la fécondité, le fait qu'on met des enfants au monde. Et c'est en fait l'organisation de la société actuelle qui vise à séparer ce qui est contraire à notre nature humaine et profondément inhumain. Alors en ce qui concerne la déchristianisation, je pense qu'effectivement elle a joué un grand rôle, mais n'oublions pas quand même que pendant toute la bonne partie en tout cas de la Troisième République, eh bien les francs-maçons qui étaient au pouvoir descendaient une morale civique qui en gros ressemblait beaucoup... à la morale chrétienne, morale du devoir. Jules Ferry a demandé aux instituteurs d'apprendre aux enfants l'amour de la patrie, le respect des parents, l'honnêteté, et ainsi de suite. Donc, en fait, nous sommes passés, après mai 68, et avec la victoire du cosmopolitisme, de l'idéologie cosmopolitique, à une destruction complète des valeurs, et une inversion des valeurs. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui. Donc, il n'y a ni morale chrétienne, ni morale non chrétienne, il n'y a plus de morale du tout. Il y a une pseudo-morale qui est en fait une anti-morale. Virginie, ensuite, on finira avec ce sujet. Vous évoquez la morale civique qui... Physique. Civique. Civique, oui. Non, civique, pas physique. Non, civique. J'ai dit civique. Vas-y, parle. Sous la Troisième République, effectivement, il me semble qu'on avait l'approche d'un mariage bourgeois fondé sur les intérêts des familles, notamment des alliances, mais un mariage qui avait perdu aussi de sa vocation surnaturelle en raison... des esprits marqués par la Révolution française qui étaient profondément antichrétiennes. Et du coup, est-ce qu'il ne manquait pas justement cette transcendance qui aide à supporter le devoir, notamment dans le mariage, vous voyez? Alors, je suis entièrement d'accord sur un point. C'est Sade qui disait « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Et je crois que s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de morale. Et la foi patriotique ne peut pas remplacer la foi transcendante en Dieu et en Jésus ou une autre religion. Mais donc la, la morale s'effondre lorsqu'il n'y a pas de transcendance qui peut la soutenir. Mais ensuite, en ce qui concerne le mariage lui-même, non, moi je crois que justement qu'une des choses qui tue le mariage aujourd'hui, c'est qu'on croit que le mariage ne peut se concevoir que s'il y a un sentiment amoureux, pas du tout. Le mariage par intérêt parfaitement légitime. On peut parfaitement épouser quelqu'un parce qu'on veut fonder une famille et sans qu'on ait d'amour pour elle ou pour lui. Et lorsqu'on veut réduire le mariage à l'amour, le résultat fatal, c'est que si l'amour pour une raison X ou Y s'en va, ben on considère qu'à ce moment-là, on n'est plus tenu de rester avec la personne que théoriquement, du point de vue religieux, on a épousé pour la vie. Bon. Est-ce que je peux dire juste un mot ? Vas-y Virginie, parce que je veux finir avec ce sujet. J'avais pas prévu de. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais est-ce que la fin du mariage n'est pas de se sanctifier mutuellement Et tu poses une question en plus, tu veux relancer le truc. Ce n'est pas l'amour effectivement qui va disparaître, mais c'est le compagnonnage au cours d'une vie pour se sanctifier mutuellement. C'est l'idéal chrétien, mais l'institution du mariage est une institution éminemment laïque et humaine, et tout le monde ne peut pas viser comme vous à la sanctification. Bien, on va finir là-dessus. Moi, je vais revenir au sujet. Alors, moi, je trouve ça grave. Alors, vous l'avez dit, Henri de Esquin, parce que aujourd'hui, pour faire un attentat, on peut s'inspirer d'une méthode qui est absolument facile, qui est la location de camions. Donc, il y en a qui louent des hélicoptères pour aller dans les Alpes. Et on les fait chier, bientôt on fera chier ceux qui louent des camions pour faire ce genre de choses, mais bref. La deuxième chose que je voulais dire, c'est... je voulais revenir sur le mot attentat. Donc souvent, on voit des connards... En fait, à chaque attentat, on voit des tweets sur... regardez, en fait, l'attentat dépend de la couleur de la personne. C'est-à-dire que s'il est arabe, c'est un attentat. S'il est blanc, ce n'est pas un attentat. Donc on va essayer les de... Les Arabes sont blancs. Les Arabes sont de race caucasoïde et ils sont blancs. Alors, je reformule. Vous avez commis un contresens, c'est épouvantable. Je vais reformuler. S'il est maghrébin, s'il est de couleur. S'il est basané. Un maghrébin n'est pas plus basané qu'un provençal. Vous faites exprès. Non. S'il est reconnaissable à ses traits, à son phénotype maghrébin ou afghan. Bien. Donc on jugera que c'est un attentat. Bon, c'est absolument faux, ça que je voulais dire. C'est qu'un attentat prend donc ce nom lorsque la motivation est politique en réalité. Donc là, il s'agit d'une motivation politique puisqu'il a voulu faire valoir les droits il a voulu faire valoir la situation d'oppression en gros des célibataires involontaires. En disant qu'il allait renverser les gens qui arrivent à draguer des filles et les femmes elles-mêmes. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui vous racontent que le qualificatif attentat dépend de la couleur de peau, c'est évidemment... De la race, vous voulez dire ou de l'ethnie. Non, mais disons de l'ethnie. Donc voilà, ça c'était... Je tenais juste à ajouter ça. Maintenant on va passer au deuxième sujet de la revue de presse. Alors... il s'agit donc de la location d'hélicoptères, c'est pour ça que j'en parlais, l'opération Defend Europe, qui est donc menée par Génération Identitaire dans les Alpes. Il se trouve que donc ils ont été poursuivis directement par le préfet, etc. Et tout de suite, le parquet a tranché, donc tu auras peut-être des mots plus exacts, Adrien. Ils ont été, ça a été classé sans suite. Oui, c'est-à-dire que donc l'opération, peut-être que certains trouveront amoral, ce que je peux comprendre, l'opération donc d'aller bloquer des clandestins. Je rappelle quand même. Et cette opération a quand même. Des envahisseurs. Non mais cette opération a quand même au moins une vertu, c'est que elle rappelle que l'immigration illégale est illégale. Hein. Oui. C'est incroyable. C'est quelque chose qu'on avait presque oublié. Et donc, apparemment, cette opération donc, de reconduire avec des forces de l'ordre en présence ces gens-là aux forces responsables, quoi, a été jugée parfaitement légale, malgré, et donc ça c'est le deuxième un petit peu sujet dans le sujet, malgré des protestations éloquentes de la LDNA, donc Ligue de Défense Noire Africaine. Ligue de Défense Noire, j'aurais pu comprendre, la géo africaine, j'ai pas bien cerné. Est-ce que vous voulez réagir sur une des deux choses, Henri de Scar? D'abord sur la première chose. Un immigré illégal, comme vous l'avez dit, monsieur Raptor, est illégal. Oui. Et dans le droit actuel, malgré son laxisme, c'est un délit, théoriquement passible d'un an de prison, de rentrer illégalement en France. C'est la moindre des choses, d'ailleurs, qu'un pays souverain puisse interdire à un étranger de venir. de venir chez lui. C'est, une nation est une grande famille, on a le droit d'empêcher quelqu'un de venir dans son appartement. Bien, moi, M. Raptor m'a invité chez vous, je ne serais pas rentré, j'aurais été un intrus, vous auriez pu me chasser à coup de pied dans le derrière, si j'étais entré illégalement. Tout à fait. Voilà, bon. Donc, c'est la moindre des choses. Deuxièmement, n'importe qui peut s'opposer à un délit lorsqu'il est en train de s'accomplir. Donc les identitaires ont parfaitement eu raison. Et donc je voudrais tirer mon chapeau à leur opération de communication. Ils ont fait un excellent coup médiatique. Phénoménal. Ils ont fait un coup phénoménal. Ils ont montré le laxisme du pouvoir et du gouvernement par cette action spectaculaire. Et donc je les félicite. Mais en même temps, excusez-moi de dire en même temps comme Macron, mais... j'ai presque honte de dire en même temps, mais en même temps, ils ont démontré à l'inverse de ce qu'ils voulaient démontrer. Parce que ils s'appellent Defend Europe. C'est-à-dire qu'ils le disent en anglais et ils prétendent défendre l'Europe. Or, ils n'ont pu défendre l'Europe qu'en défendant les frontières nationales de la France. Ils ne sont pas allés à la limite de la Grèce, ils sont allés à la limite de la France, à la frontière entre la France et l'Italie. C'est-à-dire, malgré eux, en dépit qu'ils en aient, ils ont démontré que c'était les frontières nationales qui défendaient les nations et donc l'Europe, qu'il n'y avait pas d'Europe en dehors des nations. Et donc, malheureusement, la génération identitaire, si c'était vraiment identitaire, ce qu'ils ne sont pas en réalité vraiment, eh bien, ils ne diraient pas défendre l'Europe, ils diraient à la rigueur défend l'Europe en français ou défend la France. Ils ne se rallieraient pas à une idéologie européiste qui est destructrice des nations. Alors, il me semble que... Ils ont cette stratégie, parce qu'en réalité, le groupe Génération Identitaire, je crois qu'il est à volonté européenne. Il me semble que c'est pour réunir tous les mouvements en gros identitaires d'Europe. Eh bien, ils pourraient quand même employer le français pour une action qui se passe en France. Et ils pourraient très bien dire, à côté de Defend Europe, dire défend l'Europe. Et franchement, il pourrait y avoir la traduction en français. Non, c'est la moindre des choses. C'est vrai. On ne peut pas défendre son identité si on ne défend pas sa langue maternelle et sa langue nationale. Et d'ailleurs, vous avez parlé des côtes grecques. C'est intéressant parce que les dernières personnes qu'on a vues sur les côtes grecques s'appelaient Israed. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc en fait c'est des individus donc complètement en dehors de l'Europe, c'est des individus de nationalité israélienne qui se rendaient sur les côtes grecques pour aider à l'arrivage et à aiguiller les nouveaux ressortissants donc africains, les fameux africains de Syrie, hein, comme on connaît tous, qui sont mineurs évidemment. Voilà, c'était la petite parenthèse. Adrien, tu as évoqué le fait que le procureur de la République avait classé sans suite. J'ai essayé de chercher dans une petite revue de presse sur mon ordinateur sous quel chef d'inculpation on avait pu commencer une enquête préliminaire. Absolument aucune infraction n'a été commise. C'est absolument hallucinant que la justice ait essayé de les torpiller. Gérard Collomb a déclaré que cette action était, je crois, insupportable ou quelque chose comme ça. Dans la mesure où aucune infraction n'a été commise, en quoi est-elle insupportable ? Bah, elle est insupportable parce ou inqualifiable, je ne sais plus le terme qu'il a. Elle le rappelle à sa médiocrité et à son manque d'action qui est volontaire, hein, je précise. Tout à fait. Alors, ceci étant posé, donc, je salue effectivement ce coup des identitaires, vraiment chapeau bas. Mais ce que je trouve quand même bizarre, c'est que apparemment les identitaires savaient par où passaient les migrants, et ça veut dire que l'État ne le savait pas ? Pourquoi il n'y a pas des gendarmes, des policiers ou des militaires, ou tout ce que l'on veut, à cet endroit-là ? Ça veut dire qu'on sait par où ils passent, on les laisse passer ? C'est ça que ça veut dire ? Un espace Schengen. Exactement. Ben oui, c'est exactement ça que ça veut dire. Et je note que tu évoquais Israël. Il y a aussi, apparemment, j'ai découvert ça, des associations françaises qui vont chercher en Italie les faire passer en France. Menées par un certain Cédric Héroux. C'est absolument scandaleux. Alors, je donne quand même un argument dialectique pour la vie de tous les jours. On nous dit, mais vous, quand même, vous n'êtes pas sans cœur, il y a ces gens qui traversent, qui font des milliers de kilomètres pour venir en France, et vous voulez les foutre dehors. Oui, nous voulons les foutre dehors. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas individualistes. Nous n'abordons pas les problèmes politiques à travers le prisme individuel des individus. Nous l'abordons à travers le prisme du bien commun français. Et par rapport au bien commun français, ces gens-là n'ont rien à faire en France. Pourquoi ? Parce que s'ils viennent en France, ils seront une charge pour la France et ils viendront alimenter la bombe ethno-démographique. Et la preuve que c'est une migration économique, c'est parce qu'il y a quand même plein de pays d'escale entre à pied tout à fait. Jusqu'à la France. Et pourtant, le choix s'est reporté sur la France. Tout à fait. Et on se demande pourquoi d'ailleurs. La raison est simple, hein, c'est parce que nous sommes la vache à lait. Maintenant, on est la vache à lait. La socialiste. Écoutez, il faut revenir au bon sens, ce sont des envahisseurs. Et les envahisseurs, on les repousse. On les repousse au besoin militairement. Donc un État qui ne fait pas son devoir, qui ne protège pas la nation, ne mérite pas le nom d'État. Lisez d'ailleurs, chers auditeurs, le livre célèbre Le Camp des Saints, de Jean Raspail, pour vous rendre compte le dévoiement des mentalités actuelles. Le devoir de charité, je m'adresse aux chrétiens, s'adresse principalement, en l'occurrence, à la patrie. Il faut d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même, charité bien ordonnée commence par la patrie. Virginie ? Pour reprendre sur Gérard Collomb, il a aussi une phrase intéressante dans laquelle il déclarait qu'il ne désirait pas faire de publicité à des forces qui n'en sont pas. Or, il nie là tout de même ce que pense la majorité du peuple français. Et Génération Identitaire a fait un excellent coup de communication parce que le but, c'était justement d'aller afficher, même si en soi, ce n'est pas ça qui va régler le problème de l'immigration, ce que pense le peuple français. Et j'ai regardé les commentaires de l'article Le Monde, et c'est quand même intéressant de voir que la plupart des commentateurs se sont mobilisés pour justement dire qu'ils sont d'accord avec l'action en elle-même. Ouais, ça fait partie peut-être de la reconquête culturelle sur les réseaux sociaux. Exactement. Et très bien, sur la LDNA, quelqu'un, sinon on passe, Henri de Esquin. Bah écoutez, c'est un mouvement communautariste, je pense qu'il faut repérer ses dirigeants, je ne connais pas leur nom, et les réémigrer le plus vite possible. Très bien, prioritaire. La solution, c'est ce n'est pas le plan Borloo, ce n'est pas de prendre l'argent des contribuables pour le déverser dans les quartiers. 43 milliards. Après les dizaines de milliards qui ont déjà été distribués en vain, et je dirais même que ça aggrave les choses. Ça aggrave la situation. On nourrit l'incendie au lieu de l'éteindre. La solution, c'est la réémigration. Les gens qui ne sont pas assimilés, qui ne peuvent pas s'assimiler, doivent être renvoyés, soit dans leur pays d'origine, soit n'importe où ailleurs dans le monde. Très bien. Bon, on va passer au sujet suivant. Sujet suivant qui est particulièrement fameux. Faudra que tu ajoutes un média. C'est une vidéo, là. Donc, alors, c'est Bassem Braiki. Bassem Braiki, que certains connaissent, peut-être certains ne connaissent pas. Donc virtuose de Snapchat, grand maître des stories Snapchat. Je vous présente à peu près, si vous ne connaissez pas. Alors Bassem Braiki, c'est donc un maghrébin qui un communautariste maghrébin. Et il est plus connu pour ses opinions sur le métissage, notamment sur le métissage des beurettes. T'as la vidéo, c'est bon ? On va l'écouter. Donc moi, je vais dire une chose, au Renoir, qu'on soit bien clair entre nous. Pourquoi moi je veux pas avec vous? Parce que qui c'est qui dénigre les femmes de ma communauté? C'est vous ou c'est les blancs? C'est vous ou c'est les chinois? Qui c'est qui présente sa beurette de partout en vidéo comme s'il a gagné la coupe du monde? Parce que vous souffrez d'un complexe d'infériorité, vous vous aimez pas, vous êtes pas beau, vous ressemblez à rien, c'est pour ça que vous essayez de niquer les communautés des autres pour essayer d'avoir une descendance un peu plus blanche. Vous n'êtes pas fiers de vous, c'est clair, n'était précis, ça on le sait tous. Et c'est là où il y a plein de blagues qui vont venir vers moi. Ouais, mais t'as qu'à faire pareil avec mes sœurs. Mais tes sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. La tête de ma grand-mère. Tes sœurs avec leurs perruques qu'elles achètent sur le bon coin. Tes sœurs avec des crèmes où elles veulent se blanchir la peau. On ne les touche même pas. Donc arrête de me dire, allez voir nos sœurs. Par Allah, je préfère aller à Mykonos danser sur un char avec des sodomites grecs que chez vos sœurs. Alors, il est très drôle. D'abord, je ferai une remarque anthropologique, cher Raptor. Oui. Ce monsieur est de race caucasoïde. Très intégralement bien. De race caucasoïde. J'ai eu peur, du coup, vous allez me dire qu'il me ressemblait. Je vous avoue que... Non, vous êtes aussi de race caucasoïde. Et donc, tout ça pour dire, parce que j'entends des gens opposer les blancs aux maghrébins. Mais non, les maghrébins, sauf métissage avec des congoïdes, il y en a surtout au Maroc d'ailleurs, sont de race caucasoïde, c'est-à-dire en français ordinaire de race blanche. Hein. Ce n'est pas sur ce plan qu'il y a une différence. La différence est d'ordre culturel, essentiellement. On en discutera, je pense que c'est tout un sujet là-dessus, sur la différence maghrébin et européen. Oh, très légère. Il y a des différences génétiques, mais j'ai souvent dit que la différence entre un Tunisien, disons un Andalou ou un Sicilien d'une part et un Sicilien d'autre part, et un Tunisien d'autre part, est moins grande que celle qu'il y a entre un Andalou et un Sicilien et un Norvégien. Alors, voilà, donc... Comment s'appelle-t-il le chef du parti, l'article 50, là ? Celui que vous êtes... Asselineau ? Asselineau, ça me fait penser à ça, parce qu'Asselineau a dit qu'on était plus proche du Mali que, que de l'Allemagne, je crois. Et ça se voit, oui. Mais c'est pour cela que j'ai traité d'ordure cosmopolite. Très bien. C'était juste pour le réentendre. C'est une imbécilité, si vous voulez. C'est une imbécilité. Un Estonien appartient à l'Occident. Alors évidemment, je ne parle pas estonien. Mais la culture de l'Estonie est bien plus proche de notre culture française parce que c'est l'Occident. Alors que le Mali, c'est la culture de l'Afrique noire, de l'Afrique congoïde. Et pour revenir à la vidéo de Bassem Breiki, qu'avez-vous à dire ? Parce que là, il parle en gros du métissage. Est-ce que vous soutenez ce plaidoyer contre le métissage ? Non, est-ce que ça vous est égal ? C'est une affaire de choix individuels. Très bien. Moi, vous connaissez la phrase du général de Gaulle qui dit c'est très bien qu'il y ait des Français blancs, des Français noirs, des Français jaunes, des Français bruns, pourvu qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Voilà. Donc c'est une question de dosage, de minorité. Sinon, les gens sont libres de s'unir avec qui ils veulent, des gens de leur même race ou des gens de notre race. C'est leur choix individuel, libre. Adrien ? Il y a un peu plus d'un an de ça, Bassem Breiki avait fait parler de lui parce qu'il avait fait annuler un concert de Booba. et c'était d'ailleurs sur la même question, c'est-à-dire en fait la collision entre les Noirs présents en France et les Maghrébins. C'est un sujet qui est très important parce qu'on nous a quand même vendu pendant des années la pseudo-alliance, je cite, entre les Rebeux et les Renois. Partie des indigènes de République. Voilà, ça c'est quand même l'escroquerie absolue. En réalité, il y a une hostilité grandissante entre ces deux groupes-là, qui n'existe pas médiatiquement d'ailleurs, officiellement, mais qui est de plus en plus élevée. Et notamment, et pourquoi l'est-elle ? Parce qu'il y a une immigration d'Afrique noire qui fait que de plus en plus, par exemple, même ne serait-ce que d'un point de vue du trafic, d'un point de vue criminel, il y a des réseaux maghrébins qui sont faits désosser en Ile-de-France, très concrètement. Si on regarde un peu la carte de géographie, monsieur Raptor, on voit tout de suite que ceux qui sont en première ligne de l'expansion démographique des Noirs d'Afrique, des Congoïdes d'Afrique, ce sont les Nord-Africains, qui sont d'une autre race, qui sont de la même race que nous, race caucasoïde, et qui sont en première ligne. Donc ils sont d'une certaine manière le rempart de l'Europe face à l'invasion congoïde et conséquence de l'appauvrissement, enfin pas de l'appauvrissement, en tout cas de la pauvreté de l'Afrique noire et de l'expansion démographique extraordinaire de cette Afrique noire. Donc nous avons, je pense, des intérêts communs. Et j'ai souvent dit et répété que les gens parlent tout le temps du danger de l'islamisation pour dénoncer l'immigration. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais ils ne parlent pas d'un risque beaucoup plus grand, beaucoup plus grave, qui est la congoïdisation de la France. c'est bien plus grave, la congoïdisation de la France, parce qu'un musulman, on peut toujours le convertir. Au christianisme, par exemple, ou à la franc-maçonnerie, si... Plutôt au catholicisme. Virginie votable bien. Mais en revanche, la race, on ne la change pas. Donc c'est beaucoup plus grave. Et les gens n'osent pas en parler de cette congoïdisation parce qu'ils ont peur de s'en sentir racistes. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui, chers auditeurs, que l'antiracisme, c'est le poison qui tue la France. L'antiracisme livre la France à l'immigration. L'antiracisme, c'est le mal. Parfait. Adrien, t'as dit ce que tu veux dire ? Virginie, rien ajouté. Concernant les musulmans et effectivement face au danger congoïde. Vous riez, Virginie, mais si vous me permettez de répondre. J'emploie ce terme et je l'ai fait passer, je pense, largement dans l'opinion parce que c'est un terme scientifique. Oui. J'emploie le vocabulaire du grand scientifique anthropologue du XXe siècle, Carlton Coon, mort en 1981, qui a fait la classification définitive des races humaines, 5 races. Et donc, il dit pour nous caucasoïdes, pour les Noirs d'Afrique, il dit congoïdes, ce qui évite des sottises sur la couleur de la peau, oui, etc. Ce qui n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte, c'est un caractère anthropologique. C'est lié à des difficultés de compréhension générale. D'ailleurs, il y a un médecin prix Nobel dans les années 60 qui avait validé cette classification des races, je crois. Mais retourne sur le métissage, c'est Mariki. Oui, les musulmans, il est possible de les convertir effectivement au christianisme, au catholicisme, parce que l'alliance que l'on peut avoir, entre guillemets, c'est la défense des traditions et d'une certaine vertu morale. Voilà, et c'est ce que combat justement l'antiracisme. Et l'antiracisme n'a qu'une définition dans un certain plan, c'est-à-dire on ne peut pas traiter un musulman en général de raciste s'il s'en prend à un noir. Par contre, ce sera toujours systématiquement un blanc. Le point important, c'est de comprendre que l'antiracisme est un masque de l'idéologie dominante mondiale, qui est celle qui domine depuis 1968, qui est le cosmopolitisme. Oui. Laquelle a été inventée en 350 avant Jésus-Christ par Diogène le Cynique, et qui veut détruire les frontières morales comme les frontières physiques. et entre les peuples, que les frontières morales internes aux peuples. Et donc, on ne désigne pas le cosmopolitisme par son nom, on a bien tort, on parle de sans-frontierisme, de droit de l'homisme, de mondialisme, ce sont des parties d'un tout qui est le cosmopolitisme. Et l'antiracisme est l'un des masques de ce cosmopolitisme. Écoutez, je vais finir avec ça, je vais revenir au terme... Asselineau est bien représenté. Ouais. Il est ressemblant. Le problème actuellement, c'est que, en effet, les rappeurs, la plupart noirs, parlent très très très mal de ce qu'ils appellent les beurettes, les magabines, qui ne l'ont pas volé. Entre nous, se comportent absolument de manière, comme vous dites, vous vous souvenez ou pas de cette interview que vous avez fait où vous mangez une madeleine au tribunal? Oui, oui, bah, très bien. Tenez-vous bien. C'était pas un entretien, c'était un intermède, c'était j'avais mon audience qui a duré 10 heures. Devant la 17e chambre correctionnelle où j'étais poursuivi pour délit d'opinion dans le procès politique, à l'initiative d'une officine de délation à caractère communautariste et raciste qui s'appelle la LICRA. Et donc pendant la récréation, puisqu'il faut bien qu'on s'arrête de temps à autre, c'est très long, j'étais abordé par Marie Bénoguel, quelques provocateurs. Et donc elle a passé de la musique nègre, et donc je me suis laissé entraîner. Vous avez dit tenez-vous bien. Moi j'ai un cerveau reptilien, donc comme tout le monde, hein, c'est un cerveau reptilien. C'était là où je voulais en venir, c'est juste, en effet, il y a une forte confrontation qui monte entre les communautés noires, donc la Ligue de Défense Noire Africaine. Et en fait, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un nombre suffisant pour encore se diviser. Donc voilà, c'était tout simplement la remarque que je voulais faire. Attendez, petite remarque quand même. Je rappelle que quand on est républicain, excusez-moi Virginie Votard, mais on n'accepte pas la division de la nation en communautés. Aucune communauté n'a de légitimité, en dehors de la famille, bien sûr. Et de toute façon, si on écoute votre politique, il ne peut pas y avoir un nombre suffisant pour qu'il y ait une communauté, plus ou moins. Il ne devrait pas y avoir de communauté juive. D'accord. Les juifs ne forment pas une communauté du point de vue de la République. Et donc, une population juive, un groupe juif, mais il n'y a pas de communauté juive. Ce qui vous dérange, c'est qu'une communauté, c'est même pas qu'une communauté fasse de la politique, c'est juste qu'il y a un regroupement sur critères raciaux, ethniques. Un regroupement communautaire qui veut créer un sentiment de sécession par rapport à l'unité nationale. Ok, très bien. Bon, on va passer au dernier sujet de cette revue de presse. Les fascistes de Carcassonne refusent le progrès artistique. Alors, je vous explique globalement le truc. Donc la cité médiévale de Carcassonne, qui n'a besoin de strictement rien pour briller, par son style simplement de combat à l'épée, a été prise d'assaut par un artiste, avec des guillemets hein, bien sûr, qui s'amusait à faire des spirales. Incroyable. Donc je crois qu'il a été financé par la mairie, évidemment. Je pense qu'il y a une magouille hein, derrière tout ça, je pense qu'il y a des détournements d'argent au profit d'artistes plus ou moins nuls. Donc lui il a fait des spirales, bon c'est quand même, disons que ça respecte une échelle géométrique. Pour moins cher je fais beaucoup mieux, franchement. Honnêtement, je trouve que le truc est pas trop mal, par contre c'est absolument dégueulasse, hein. Mais je vais dire... Il fallait se faire chier à le faire, tu vois ce que je veux dire. Bon, on voit quand même qu'il y a 2-3 cercles qui se joignent pas. L'événement, c'est que des fascistes, évidemment, de Carcassonne, ont commencé à détruire cette spirale, l'ont décroché, tout simplement parce que, en fait, la cité médiévale, tu vois, c'est un manque de respect d'arriver de la merde. C'est un blasphème. Donc, et qu'est-ce que vous en pensez, toi, blasphème, Henri de Esquin? Monsieur Raptor, d'abord, ce que j'en pense, c'est que vous employez le langage de l'ennemi cosmopolite, puisque vous dites fasciste. Or, le fascisme est un socialisme national, et la droite ne peut pas être socialiste, donc elle ne peut pas être fasciste. Il ne faut pas employer le vocabulaire d'adversaire qui vise d'ailleurs, on va tout ramener à faire la réduction à Hitlerum, dans tous les domaines. Donc ce sont des gens de droite, réactionnaires, je pense qu'il faut donner au terme de réaction un sens positif. Oui. Il faut réagir contre la révolution qui est une forme de décadence. Et donc, ils ont eu évidemment parfaitement raison, et je les félicite, et je les approuve, et je les applaudis. Ils ont réagi contre ce qui n'est pas de l'art. Du non-art dégénéré. Ce qu'on appelle l'art contemporain n'est pas de l'art, car le critère de l'art, l'essence de l'art, c'est l'opposition du beau au laid. Donc si on refuse la notion de beau, on ne fait pas de l'art, on fait une activité qu'on présente artificiellement et mensongèrement comme de l'art, mais qui n'est pas de l'art, qui est du non-art dégénéré. La politique culturelle, nous en parlerons peut-être, doit viser justement à refuser l'invasion de nos villes par ce non-art dégénéré. Ce sont des provocations anti-françaises. Le Piscrist, le plug anal, ce que je viens de découvrir là, ouais. Ce sont des provocations anti-françaises, et à chaque fois, ce sont des Français émanant du pays réel, donc pas de gauche, qui, comme par hasard, remettent les choses à plat. Virginie, un commentaire là-dessus ? Il faut mettre en œuvre une reconquête culturelle, en effet. Le problème, c'est que, à mon sens, on en discutera sans doute, c'est que ça passe d'abord par les esprits. Non, mais ce qui est absolument étonnant, c'est que dans l'article, ils disent oui, le truc, en gros, n'était pas apprécié par la majorité du peuple, ils ont absolument rien à foutre. Comme si c'était anormal, c'est ça, ouais. De ne pas apprécier, de ne pas trouver ça innovant. Non, mais c'est l'essence de la démocratie, c'est rendu, bah, pourtant, la majorité n'est pas d'accord, on comprend pas. C'est-à-dire que la démocratie, soit la majorité est avec toi, soit elle est contre toi et tu ne la comprends pas. Tu vois ce que je veux dire, elle fait des trucs bizarres, cette majorité. C'est vrai, mais c'est aussi la conséquence de la désinformation, puisque les médias présentent ça comme la nouvelle tendance, ou c'est un petit peu comme les modes vestimentaires aussi. C'est un forcing, c'est absolu. C'est un esprit général dans la société. Adrien ? La majorité n'est prise en compte que quand elle va dans le sens du système. Je rappelle qu'il y a quelques années, au Parlement européen, on avait demandé, c'était à l'époque du référendum irlandais, on avait fait un vote au Parlement pour que soit respecté le résultat du référendum en Irlande. Alors que théoriquement, un vote, une fois qu'il est majoritaire, doit être respecté. Mais comme certains sentaient que le vote n'allait pas être respecté, eh bien on a fait voter cela. Et d'ailleurs, le Parlement a voté contre, soit dit en passant. Bon, bah c'était le dernier suite de cette revue de presse. On va lire quelques noms, sûrement quelques questions adressées à nos invités. Alors, on commence avec El Famoso FDP qui est là toutes les semaines. Donc merci à toi, merci pour ce sérieux live après live. Très curieux de voir Henri Desquin. Petite question, que pensez-vous de Kelchbutt ? Merci beaucoup. De qui ? Pense que nos invités ne sont pas au courant. De qui ? Kelchbutt, c'est un youtubeur. Je ne connais pas. Très bien, bon, bah, vous avez votre réponse. Calvin. C'est pas Calvin. Un grand français. Non, on peut pas être. Voilà, bon, on passons. Le grand théorétique de tous les temps. Moi, je suis en bon terme avec lui. Alors, Geoff, merci à toi. On va essayer de lire les dons, parce qu'il y en a beaucoup là, je vois. Merci à toi Geoff, merci à toi Archibald, likez et partagez le live, bah, bien sûr, merci à toi Maya Sirdabé qui est là toutes les semaines, merci à toi. Raji, salut à toi, bonjour monsieur Desquin, félicitations pour la formation de votre PNL. J'aimerais savoir quels arguments vous avanceriez pour faire passer le royaliste que je suis dans votre camp. Eh bien, l'argument que je peux avancer, c'est que la restauration n'est pas pour aujourd'hui. Et je vous invite à considérer que aujourd'hui nous sommes en République. Non, nous ne sommes pas en République, d'ailleurs, nous sommes justement dans l'État cosmopolite et nous avons tout intérêt à rétablir une véritable République qui respecte l'intérêt de la nation. Donc, vous pouvez rêver d'une restauration royaliste, monarchique, mais considérez que ce n'est pas pour aujourd'hui et pour demain et que cette action pour la restauration royaliste ou monarchique n'a pas d'intérêt stratégique aujourd'hui. Très bien. Alors, merci à SL3FC10. Kevin Magnon, merci beaucoup, qui nous dit « Salut Raptor et toute l'équipe. On est tous à tes côtés pour la dissidence. Troisième semaine de programme complet. » Il parle de Raptor Boosting Pro, je suppose. « J'attends tes nouvelles pour la diète et le programme muscu. Faut faire des modifs, enculé. » Bah, très bien. Bah, écoute, on règle ça par mail. Aradrad qui nous dit « Bonjour, monsieur Desquin. Que pensez-vous du cinéma de manière générale ? Aussi bien le cinéma français que le cinéma américain, gros budget. » Eh ben, j'aime beaucoup le cinéma, mais je le considère que c'est un art inférieur par rapport au théâtre ou à la littérature. Très bien. Réellement, malgré tout le travail qu'il y a sur la composition musicale, etc., ça réunit quand même beaucoup de talents. Ah mais c'est un art tout à fait élevé, mais je crois beaucoup à la hiérarchie. Les cosmopolites ne veulent pas hiérarchiser, moi je hiérarchise les arts. Et l'opéra, vous le classez... Ah ben l'opéra, je le classe au sommet. Je suis un grand amateur d'opéra. J'ai l'aurais deviné. Et pour moi l'opéra, comme le disait Wagner, c'est l'art total. On a tout dans l'opéra. Très bien, bon, on va passer à la suite. Alors sinon, toutes mes félicitations à Raptor pour son live qui est d'utilité publique. Merci à toi. Punchline DCA qui nous dit merci beaucoup à toi, équipe exceptionnelle, don exceptionnel. Je sens que les voyages RPNL vont faire un carton dans les années à venir. Vous confirmez ? J'espère. Combien d'actions vous... J'espère que la politique de réimmigration ne restera pas un souhait, mais qu'elle rentrera en œuvre, qu'elle rentrera en application le plus vite possible. C'est vital pour la France. Alors, merci à Moreau... ah oui, merci à Moreau Juif, très bien, j'avais pas vu le pseudo. Merci à Marquis Turbo Libéral qui est là toutes les semaines. Il dit une piécette pour notre jeune ami franco-maghréboïde, très bien. Merci à Anarchiouyou qui dit salut, attends, je suis un gauchiste, je sais que c'est le mal, mais j'adore ce que tu fais quand même. Bon, intéressant, hein, n'est-ce pas, pour la reconquête culturelle. Hein. On en guérit. Eh ben oui. Ça reste une maladie mentale, ça. Tout à fait. C'est tout à fait. merci Saint-Michel qui dit bonsoir à tous, bon live, vive RPNL, merci à toi. Thomas Roux qui est là chaque semaine, merci à toi. Bonsoir à toutes et très heureux de vous retrouver ce dimanche, bah, tu connais la messe du dimanche. Henri El Abde El Jabbar, très bien. Salut. Ça vous fait rire, Henri de Esca. Oui, je ne comprends pas très bien. Je suis dans le Maroc, hein, c'est vrai. Mais à part ça... Alors, salut, Raptor, penses-tu accepter la proposition de... Bah, Piero San Giorgio, je l'ai dit, oui, on va se voir, ce sera en septembre, vous inquiétez pas. Murdoch, merci à toi, bon boulot, vous soutenez notre morale, grand merci, merci à toi, c'est grâce à vos dons. Seb de Rennes, merci Adrien, Henri, Virginie, Raptor, ce que vous faites est très important pour les blancs comme moi qui en prennent plein la gueule par le système politico-médiatique, vous nous redonnez de la fierté et de l'espoir. Vous êtes heureux? Très heureux. Ah oui, non, c'est ce genre de réactions qui font plaisir, qui font chaud au cœur. Ah. Alors, former mélenchoniste, qu'on traduira pour qu'il n'y ait pas d'anglicisme, ancien mélenchonisme, mélenchoniste. De Mélenchon à Delesquin en 5 mois, incroyable, et de 120 kg à 90 kg en autant de temps, félicitations à toi. Merci d'être là et de m'avoir guéri de cette atroce maladie mentale qu'est le gauchisme monté des équipes. Ah mais c'est merveilleux, bravo cher monsieur. Incroyable. Bienvenue. Bienvenue dans le camp du beau, du bien et du vrai. Archimède le clochard. Archimède le clochard qui nous dit merci au Raptor pour ce que vous faites. À monsieur Delesquin, connaissez-vous d'autres exemples historiques comparables à notre situation? Un peuple qui soutient l'invasion de son propre sol par des populations halogènes. Bah, d'une certaine manière, oui, c'est ce qui s'est passé à la fin de l'Empire romain, hein, me semble-t-il. Je pense qu'en cherchant un peu, on trouvera d'autres exemples. Hein. L'Empire byzantin a fait aussi ça un peu avec les Slaves. Donc ce n'est pas la première fois dans l'histoire et ça se termine mal en général quand on n'arrête pas... Quand on n'arrête pas l'invasion autoprogrammée, l'invasion volontaire, que les élites font et organisent au détriment de leur peuple. Alors mon bon Archimède, halogène, ne s'écrit pas comme ça, je crois que tu confonds avec... Il y a halogène avec un H pour la lumière, et halogène avec deux L et sans H là, c'est pour les non-autochtones. Alors, halochtone ou halogène. Omniphobe, qui nous dit « Raptor, il me semble urgent d'agir sur le FFMI d'H2L, dans les Esquins. » Le voir. C'est-à-dire quoi je crois qu'il parle de l'indice de masse corporelle. il veut voir vous faire du soulevé de terre lourd. Est-ce que non, vous... alors, il veut voir pratiquer de la musculation. Mon indice de masse corporelle est parfait. je suis entre. Je crois qu'il faut avoir entre combien entre 19 et 25. Je suis plutôt près de 19 que de 25. Ouais. Donc, je vous rassure. Très bien. 75 kg, 1m86. Et donc vous n'êtes pas prêt encore de faire 6 fois par semaine à la salle de sport pousser écoutez, j'ai horreur du sport. Alors n'essayez pas de me convertir. sport est un mot anglais, donc c'est une raison supplémentaire. Très bien. Bon, bah, merci à toi, Omniphobe. Bachelord, un gros don encore, qui nous dit « Salut, dissident, que pensez-vous d'un curé qui culpabilise ses ouailles qui vont en vacances dans le cimetière de la Méditerranée ?» et qui appelle à défendre la République contre les lois racistes qui ont été votées. Bon, un curé, quoi. Bah, un curé ça, rouge, comme on dit. Ça s'appelle un curé conciliaire. Il n'est pas catholique, c'est un apostat. Mais quelles sont les lois racistes qui ont été votées? Moi, je connais des lois anti-racisme, mais alors les lois racistes qui ont été votées... C'est pas le racisme d'État. Le racisme systémique dénoncé par Rokhaya Diallo. Mais ce sont des fous. nous sommes passés, sans le savoir, clandestinement, de la République à l'État cosmopolite le 1er juillet 1972 avec la loi Pleven, qui a fondé l'antiracisme et qui a interdit la préférence nationale, qui est pourtant le ciment de la République et de la nation. Donc aujourd'hui, nous souffrons de l'antiracisme et absolument pas du racisme. C'est l'antiracisme, le poison qui nous tue. Très bien. Alors The Grenade qui nous dit « Mes hommages à votre invité exceptionnel, monsieur Henri Delesquin ». Alors, cher monsieur, désolé, mais les hommages, c'est pour les dames. Ah bah. Je voudrais pas. J'accepte vos hommages avec plaisir, mais je n'ai pas encore changé de sexe. Je ne suis pas un transsexuel. Pas encore. Qui pas encore, moi, jamais. C'est pas encore obligatoire. C'est pas encore obligatoire. Bravo à toute l'équipe du live, Virginie Raptor, Adrien, sans oublier Fischer. Merci d'être notre bouffée d'oxygène, merci à toi. Dédicace à mon équipe de frères de la fac de droit en MTP, Enzo, très bien. La chèvre, merci beaucoup à toi, et qui nous fait un gros don et qui dit j'adore, très bien. Et pour finir, El Gato Dissidento, qui me dit « Bravo pour votre émission, je profite d'être là durant le direct pour faire un petit don en espérant qu'il servira à payer le Uber de Mademoiselle Vota. » Tout à fait. Je voulais demander à Monsieur Jusquin s'il avait un conseil pour réussir les concours administratifs. Ah, c'est vrai que vous avez un parcours. Je vais donner un conseil qui n'est pas très glorieux, mais faites profil bas si vous avez de bonnes idées. Les concours administratifs sont presque toujours tenus par des cosmopolites aujourd'hui, et je connais des gens qui sont fait coller parce qu'ils avaient trop montré leurs idées anti-cosmopolites. Donc faites profil bas, malheureusement, on est obligé de faire cela. Pour le reste, eh bien, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Parfait. On finit avec les trois dons, là, donc merci à Pucco, dédié à la famille. Dédé, le franco-québécois, qui dit à quoi un débat, Henri de Esquin, Philippe Poncard-Astac. Jamais. Philippe Poncard-Astac est un pitre, un agent d'influence islamiste que je méprise complètement, et je ne m'abaisserai pas à un débat avec un type que je défais. Si j'ai un débat avec lui indirectement, devant la 17e chambre, où je le fais condamner régulièrement. Ah ouais. C'est d'ailleurs, quand on fait un procès en diffamation, il faut savoir, chers auditeurs, qu'en général, quand on gagne, on ne gagne pas toujours, eh bien, ça vous coûte quand même plus cher que ça ne vous rapporte, même si on condamne la personne qui a diffamé. Parce qu'on paye plus son frais d'avocat. Mais là, Philippe Poncard-Astac, j'ai quand même une dette de reconnaissance envers lui, c'est qu'il m'a rapporté plus qu'il ne m'a coûté. Donc, il m'a rapporté financièrement. Merci Poncard-Astac. Oh, très bien. J'espérais pas déclencher de clash, mais très bien. Et un dernier de Horace, merci à toi Horace, qui essaie de faire une pub pour un certain NAB qui a des écrits pro-UI, mais pourquoi pas. Écoutez, donc tout de suite, puisqu'on a parlé d'art dégénéré, non-art dégénéré. Les deux existent. Hein. Ah, bon, vous nous expliquerez la distinction que vous faites entre les deux. Sera dans la seconde partie, on va parler de la reconquête culturelle, notamment peut-être par YouTube, j'aurai quelques questions à vous poser là-dessus. Écoutez, on se retrouve tout de suite après une pub qui dure 4 minutes 37, je crois. A tout de suite. Et elle répond en plus à l'idée, est-ce que la France est raciste, hein. Je pense qu'il y a des Français, il y a des gens, des habitants, dont certains expriment un racisme plus ou moins fort. Je pense... Des gens, des habitants qui... Mais en fait, elle n'ose pas aller jusqu'au terme blanc, parce que veut dire que tout le monde n'est pas raciste. Mais ouais, voilà, parce que moi, je n'ai pas lu son livre, mais est-ce qu'elle parle du racisme anti-blanc? Est-ce qu'elle parle de la haine de plus en plus grande entre les Noirs et les Maghrébins en France, des deux côtés? Est-ce qu'elle en parle? Est-ce qu'elle parle de l'antisémitisme des Maghrébins? Est-ce qu'elle parle même du côté anti-arabe de certains Juifs aussi? Ça existe aussi, tout ça. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'elle en parle de tout ça? Chaque semaine, 150 avions d'Air PNL s'envolent de France vers le reste du monde. Et cela demande un peu de réémigration. RPNL, votre trajet, notre projet. Responsabilité, aussi bien politique que médiatique, qui a décomplexé effectivement une partie de la population qui, dès lors qu'elle voit à la télévision, qu'elle lit dans les médias... Les racistes sont décomplexés. Alors, c'est les médias, c'est intéressant, parce que elle dit qu'il y a une parole décomplexée dans les médias. Moi, oui, c'est vrai qu'ils sont très racistes, nos médias. Ils nous disent tous les jours qu'il faut plus de migrants, plus d'immigration, que c'est une chance pour la France, un enrichissement culturel, économique. Dans les médias, comme tu le disais, il y a de plus en plus de Noirs et de Maghrébins. De plus en plus. Assez peu d'Asiates, d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, ok, bah écoute, chacun voit midi à sa porte, hein, comme dirait l'autre. Hein. Ouais. あんなところにもまだハエが逃げずにいたとは。ここで倒れるわけには。怖く。本当の本当に痛えだ。この私がベジータごときに負けるなど。 ついに地の不意外わずかなサイヤ人に怯えて仕事をするつもりです。 こんな奴がまだいたなんてな、本気出させてもらうぞ。 De retour pour donc, ce 14e épisode du Rendez-vous Dissident, donc en présence de Virginie Vautat, d'Adrien Abosi et de Monsieur Henri de Lesquin, toujours avec Fischer aux commandes. Fischer, ça va, t'es toujours en forme. Et Alex à la régie. Il est toujours fier, c'est Fischer Pride. Très bien. Il va y avoir des jeux de mots ce soir. En anglais. Alors, donc le thème de la soirée. Le thème de la soirée, c'est la reconquête culturelle. Alors, bon. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire à travers cette émission notamment. L'enjeu, selon moi, et vous allez me donner, on va commencer par ça, on va vous donner notre avis. L'enjeu, selon moi, actuellement, est de convertir une masse qui subit la propagande forcément cosmopolite et de le faire sans la brusquer. D'accord ? Donc je pense réellement que c'est la clé, vraiment c'est le nerf de la guerre. Et quand je dis sans la brusquer, c'est-à-dire sans être trop virulent dans ses propos, et sans aborder, alors c'est là où on va peut-être pas s'entendre avec Virginie et Adrien, sans forcément aborder de façon trop directe le catholicisme, la religion. Parce qu'aujourd'hui, donc la religion se rattache à la morale, selon moi, vraiment, ils sont indissociables. Et selon moi, aujourd'hui, la morale n'affecte plus les gens. C'est-à-dire que si tu parles de morale comme argument, les gens te regardent en mode oui, d'accord. Ils ne sont plus sensibles à ça. Et donc quand on a un discours très porté sur la religion, en parlant des racines, même plus que des racines chrétiennes de la France, hein, vraiment en insistant, par exemple, pour en refaire une religion d'État, etc., ça braque les gens, brusque les gens, et je pense que stratégiquement, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Et donc voilà mon avis déjà là-dessus. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir? Moi je crois qu'il faudrait serrer les problèmes. La reconquête culturelle c'est trop vaste. Ça peut être la reconquête morale et religieuse. À ce moment-là évidemment la référence au christianisme s'impose. Et en tout cas est incontournable comme disait Sartre. Mais ça peut être aussi la reconquête artistique et littéraire. Je pensais que vous vouliez surtout parler de cela. C'est bien sûr. Alors, il faut bien distinguer les choses, parce que l'art et la littérature, c'est le domaine du beau, opposé au laid. C'est la référence au beau et au laid qui est en cause. Ce n'est pas la différence au bien et au mal. Ouais. Et j'ai peur effectivement que certains, théocrates, je ne sais pas si vous êtes théocrate, Virginie, je le crains, confondent tous les plans et mélangent la morale et... la beauté. Je crois vraiment que c'est une question philosophique très importante, mais il faut distinguer les catégories. Le beau, le vrai et le bien sont des catégories entièrement différentes. C'est-à-dire qu'on peut faire le bien en étant très laid, et ainsi de suite. Et on peut faire de très belles œuvres d'art qui sont immorales. Ce sont des catégories différentes. Je voulais commencer justement par quelque chose de général, c'est-à-dire vraiment la stratégie. Elle est claire. Allez-y. C'est de la métapolitique. Et la métapolitique, ça englobe la politique en réalité, et donc ça repose sur la définition de l'ennemi. Or, ce qui explique notre décadence profonde sur le plan moral, sur le plan culturel, sur le plan artistique, sur le plan littéraire, c'est le fait que nous sommes dominés par une idéologie qui fait système, qui est un tout qui fait système. et qu'il faut comprendre comme tel, et qu'il faut donc attaquer globalement sous son nom qui est le cosmopolitisme. Et c'est elle qui nous détruit la morale avec le mariage homosexuel, par exemple, mais qui aussi nous détruit l'art avec l'art dégénéré et l'honneur dégénéré. C'est donc parce qu'il faut définir l'ennemi qu'il faut aussi refuser le langage de l'ennemi et employer notre propre langage et rétablir les concepts. Et il ne faut pas appeler art contemporain ce qui est en fait un honneur dégénéré. Et donc moi la question que je voulais poser pour commencer donc à toute la table, c'est pensez-vous, comme je le pense, que c'est la clé, c'est la chose principale et primordiale qui est le seul moyen en fait de gagner à la victoire, cette reconquête culturelle. Alors déjà, pourquoi il faut faire une reconquête culturelle? Ouais. Parce que nous vivons dans une société qui est ultra-gauchisée. Pourquoi la société est-elle ultra-gauchisée? Parce qu'en 1944, on a décapité la droite. Et M. de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, a donné dans la nomenclature républicaine les pleins pouvoirs, je caricature un peu, mais a donné énormément de pouvoir aux gens de gauche et notamment aux communistes. Donc, à partir du moment où l'université, l'éducation nationale et les médias sont de gauche, eh ben, la société s'est fondue sur les canons véhiculés par ces vecteurs-là. Un miracle arrive, grâce à la Providence, qui est Internet. Et sur Internet, eh ben, ce pays réel de droite, qui avait été marginalisé pendant des décennies, décennies, décennies, et qui avait été marginalisé notamment dans le cadre des grands médias, en quelque sorte, ressuscite. Et comme le talent a toujours été à droite, dans des places de gens de gauche, je mets au défi n'importe qui de me citer 10 grands écrivains de gauche, on en trouve peut-être 4-5, mais pas 10, et bien donc, la droite française, au vrai sens du terme, oui, mais c'est la réalité, donc c'est comme ça, voilà. Alain Soral, ça compte J'ai dit écrivain, bref. Donc, que te disais-je via Internet, nous pouvons redroitiser les esprits. Après, il faut aller sur tous les terrains. Il faut aller sur le terrain sur lequel tu es, sur lequel Papacito est, sur le terrain sur lequel M. de Lesquin est, sur le terrain sur lequel Virginie et moi nous sommes. Il y a tout. Il faut aller sur tous ces terrains-là. Parce que les profils des gens dans la société sont différents, tout simplement, si tu veux. Et tous, à notre façon, nous dégauchisons les esprits. Toi, tu as une force de frappe qui est personnelle, ou même Virginie même n'a pas. Donc tu vas chercher les gens. Ma prétention, à moi, c'est de les refranciser, culturellement et spirituellement. Virginie, là-dessus? Ben, je partage le point de vue d'Adrien, comme vous le savez. Et justement, il faut remonter aux causes aussi pour savoir, pour comprendre en fait comment les esprits ont été gauchisés. Quel est le mécanisme mis en place par le système, avec la désinformation notamment, et aussi l'idéalisme dont parle Marcel Decorte? Je trouve qu'il fait un diagnostic très, très pertinent de cette maladie des intelligences, en fait. Donc rétablir, je pense qu'il faut comprendre en profondeur les mécanismes pour remettre les cerveaux à l'endroit, et c'est ça qui est le plus complexe. Alors, vous savez, la France est malheureusement très en avance dans les idées de la décadence, puisque... Elles nous reviennent souvent des États-Unis, mais vous savez que la théorie du genre, par exemple, nous est revenue des États-Unis, mais elle est fondée sur ce qu'aux États-Unis on appelle la French Theory, c'est-à-dire la théorie française, ouais. Et qui remonte d'ailleurs avant Foucault et les autres, Derrida, à Jean-Paul Sartre. Je crois que Jean-Paul Sartre. Le Parti communiste et le marxisme ont longtemps dominé, mais à côté du Parti communiste, comme compagnon de route, il y a une philosophie entièrement différente, qui est l'existentialisme. L'existence précède l'essence. Et cette formule de Sartre, eh bien, elle est exactement le principe du cosmopolitisme. Diogène aurait pu l'employer, c'est-à-dire nous ne sommes que ce que nous voulons bien être, et nous n'avons pas d'identité. L'existence précède l'essence, ça veut dire qu'en fait, on se crée sa propre identité, donc on n'en a pas en réalité. Et c'est donc... d'ailleurs, ce n'est pas Jean-Paul Sartre, mais c'est son égérie Simone de Beauvoir qui a dit « On ne naît pas femme, du verbe naître, on le devient. » Ce qui est évidemment une absurdité. Virginie ? Vous avez mis avec pertinence en exergue la question du langage et vous parlez de l'essence qui précède l'existence. L'existence précède l'essence, c'est la formule de l'essence, mais qui est entièrement fausse. Moi, ma philosophie entièrement fausse. Elle est entièrement inverse à celle-là. L'essence précède l'existence. La maladie des intelligences provient en premier lieu de la falsification du sens des mots. Et puisqu'on ne peut plus penser si on n'a plus les bons éléments pour construire une pensée réaliste et cohérente. Voilà, absolument. Alors Virginie, vous avez raison, la reconquête culturelle, elle passe d'abord par la reconquête du langage Il ne faut pas employer le langage de l'adversaire. Dans tout... ne dites pas fachosphère, par exemple, pour la réacosphère ou la réafosphère. Le fascisme, c'est une doctrine de gauche, socialisme national. Laissons le fascisme à la gauche, ne disons pas que la droite peut être fasciste. Est-ce qu'on est pas Je pense que cet exemple-là qui est un peu politique. Mais, et n'appelons pas art contemporain, ce qui n'est pas de l'art du tout. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Henri de Lesquin. Alors, vos idées ne sont pas majoritaires, évidemment. Pas encore. Comment, alors, avez-vous une stratégie, alors je sais que vous avez une chaîne YouTube, peut-être que c'est lié à cette stratégie, avez-vous une stratégie pour, justement, vous dites pas encore, pour les rendre, en tout cas, plus répandues? Je crois que les idées se répandent par imitation. C'est ce qu'on appelle sur Internet les mèmes. C'est une formule d'ailleurs qui vient de Dawkins, je crois que c'est dans le gène égoïste où il parle des mèmes, c'est-à-dire du fait que les idées se répandent par imitation. Et donc on peut très bien, avec des moyens limités, être le catalyseur d'un renversement stratégique. Il faut voir que notre force, notre faiblesse, et le fait que nous sommes minoritaires, que nous faisons face à des gens qui sont en possession d'État, qui occupent presque tout le terrain, tous les médias. Et notre force, c'est que nous défendons la vérité. L'idéologie cosmopolite, qui est l'idéologie dominante mondiale actuelle, repose sur une série de falsifications de la vérité absolument incroyables. Les cosmopolites vous expliquent que les races n'existent pas. Enfin, écoutez, je suis arrivé ici par le métro parisien, je vous garantis qu'il faut vraiment être complètement taré pour dire que les races n'existaient pas. Bon. Comment convaincre On vous dit que les différences de sexe sont une construction sociale. Il faudrait qu'on tarait pour dire ça. Et ainsi de suite. Que l'immigration est une chance pour la France, qu'il n'y a pas de grand remplacement. Là, encore une fois, prenez le métro parisien. Enfin, la preuve par le métro parisien me paraît une preuve. Donc vraiment, la vérité scientifique ne nie pas les faits d'observation, elle les précise et elle les confirme, par exemple pour les races humaines. Donc pour vous, tout est faux dans le langage officiel, qui est celui de l'idéologie cosmopolite et égalitaire et cosmopolite. Pour vous, la vérité va éclater au grand jour comme ça, elle ne va pas sous la pression du mensonge. Elle ne va pas éclater au grand jour, mais elle va progresser quand les gens comprennent qu'on leur ment. Quand on leur dit, par exemple, les différences intellectuelles sont dues entièrement à l'éducation, c'est faux, tout est dû au gène. Les différences de quotient intellectuel sont dues essentiellement à plus de 80% aux différences génétiques, purement génétiques, acquises dès la conception, lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, et les 20% restants, c'est toutes sortes de conditions environnementales, par exemple les conditions environnementales de l'enfant qui vit dans le ventre de sa mère. L'éducation elle-même n'apporte presque aucune différence de QI. Virginie ? La question aussi, comment faire comprendre aux gens qu'on leur ment, parce qu'ils vivent, en raison de cette falsification de la réalité, de la vérité, comme dans une autre dimension. Ils sont... comme dans un autre univers, justement, sous l'influence de ce système, cette idéologie. Eh bien, il faut dénoncer, dire que c'est un mensonge, répéter. Vous savez, la pédagogie, c'est de faire de répétition. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, pour la question des races humaines, qui est une question essentielle, j'ai décidé de répandre le vocabulaire scientifique. Les gens doivent savoir qu'il y a des caucasoïdes, des mongoloïdes, des congoïdes. Il y a aussi deux autres races, les capoïdes et les australoïdes, pour être complet. Et il faut donc imposer son vocabulaire, ne pas employer le langage de l'adversaire. Quand vous voyez quelqu'un qui se prétend de droite, met le mot « race » entre guillemets, dites-lui, si vous ne voulez pas être un cando, c'est-à-dire un tocard, et supprimez les guillemets la prochaine fois. Alors, Adrien, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que tu disais, tu évoquais la vérité, et est-ce qu'elle va se diviser toute seule? Mais je répète, le talent est chez nous. Est-ce qu'il y a un équivalent de F de souche à gauche? Est-ce qu'il y a un équivalent du Raptor à gauche? Visule. Non, c'est pas d'équivalent. Je voulais un F de souche. Je veux bien le Raptor. Un F de souche, franchement, c'est un candole de premier amour. Ah ouais, il a son utilité. Il a son utilité. Non, aujourd'hui, il est négatif. C'est mon point de vue, en tout cas. Est-ce qu'il y a des équivalents de patriote.info à gauche? Papacito à gauche, je suis pas sûr. Donc, voilà. Mais le talent est chez nous. Et il faut aller sur tous les terrains. Papacito le fait avec la BD, toi tu le fais avec un média qui est davantage mainstream, si vous me passez l'anglicisme. J'espère le faire d'un point de vue des essais. Il faut aller sur tous les terrains, et comme le talent est chez nous, eh bien, ma foi, je constate qu'on a tous un succès grandissant quand même. Alors, monsieur on Abouzi, est tous de plus en plus suivis. Monsieur Abouzi a parfaitement raison sur un point essentiel, c'est-à-dire que le talent est de droite, mais cela dit, ça ne suffit pas, parce que ça fait 3 siècles que le talent est de droite, et que la gauche gagne. 3 siècles, parce que la coupure droite-gauche ne commence pas en 1789, mais en 1680-1715, pendant la période que Paul Hazard a appelé la crise de la conscience européenne. Et depuis 3 siècles, le talent est de droite, est à droite, sauf le talent stratégique. La gauche l'emporte toujours sur le talent du point de vue du talent stratégique. Et c'est ça qu'il faut que... Mon ambition, c'est que ça change sur cette question-là, précisément. Et c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, je ne veux pas qu'on dise que nous sommes aujourd'hui en République, alors que nous sommes dans un État cosmopolite qui a renié les principes de la République. Alors, justement, on parle de vérité et de mensonge. En fait, la base de la stratégie adverse, puisque, donc selon vous, elle se base sur plusieurs mensonges, ce qui n'est pas absolument pas faux. Une infinité de mensonges. Voilà. La base, c'est que pour que jamais ces mensonges ne soient combattus, ils ont diabolisé, ce qu'on appelle diabolisé, ils ont diabolisé l'adversaire, qui est à peu près nous. Alors que je vois des montages intéressants. Et donc, pour moi, en fait, d'un point de vue stratégique absolu, la première étape, c'est d'apparaître sympathique et de montrer en fait un exemple de réussite, c'est-à-dire de ne plus passer pour les losers qu'on présente quand on présente les gens de droite, par exemple. Et c'est la première des choses à faire avant de passer un discours contre... Oui, mais je ne comprends pas, parce que ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut... Non, il faut évidemment essayer de séduire les gens qu'on s'adresse, mais il ne faut pas essayer, il ne faut pas croire que vous séduirez l'adversaire. Il n'y a aucune concession, on commence à se candoliser quand on essaye d'obtenir les bonnes grâces des gens d'en face. Il faut les combattre fermement, sans aucun accommodement avec eux. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a, en gros, on est présenté comme des démons, quoi, comme des gens mauvais dans l'âme, et peut-être que la première étape est de montrer qu'en fait, en réalité, nous sommes des exemples, nous sommes bons. Et c'est ce qui se passe, parce que ce à quoi nous assistons actuellement, c'est que nous cassons les codes de ce que je ne vais pas appeler l'extrême droite, mais on va dire du camp national. On casse ces codes. Le rendez-vous dissident casse ces codes. Virginie et moi, nous les cassons dans d'autres domaines. Et effectivement, ça permet de parler à des gens qui sont structurés habituellement par des réflexes pavloviens, concrètement. Je ne suis pas d'accord, pas forcément, mais je sens une ambiguïté grave. Je vous dis franchement, il ne faut pas se dire on m'attaque. Les gens d'en face, les cosmopolites d'en face m'attaquent sur tel terrain, je vais essayer de montrer qu'ils ont tort, leur montrer qu'ils ont tort. Non, eux, ça n'a qu'une importance. Il faut les attaquer eux, dire vous êtes des ordures cosmopolites, vous mentez. Ah, bien entendu. Vous mentez. Bien sûr. Je n'ai rien, aucune concession à eux, ne pas employer leur langage. Ce qu'il faut en revanche, c'est essayer de séduire. Les gens qui sont dans qui hésitent. Le marais. Les hésitants, des gens de bonne foi qui sont hésitants, et leur dire non, c'est nous qui disons la vérité, eux sont des menteurs. Et alors il faut se placer, c'est ce qu'on appelle en stratégie politique, en stratégie haute. C'est-à-dire que l'une des erreurs d'une droite, qui est souvent une droite bornée, c'est d'invoquer des principes rétrécis qui ne portent pas. Si vous dites, moi je veux abolir la démocratie et abolir la République, je veux rétablir la monarchie. Vous faites plaisir. Mais vous commencez par un discours qui va contre les sentiments de la plupart des gens. Puis en plus, de dire que vous voulez abolir la démocratie, ça veut dire que vous voulez supprimer le droit de vote aux gens qui actuellement ont le droit théoriquement de s'exprimer. Si vous leur dites au contraire, moi je veux, nous ne sommes pas en démocratie, c'est une démocratie d'apparence, c'est une oligarchie médiatique qui vous a imposé Macron par une énorme propagande mensongère. En mettant 60 fois en 2016 la photo de Macron sur des revues, sur la première page sur la couverture des revues. Eh bien, nous sommes dans un système oligarchique, antidémocratique, et il faut rétablir la démocratie, qui n'existe plus en France. Virginie ? Je crois que ce qu'a essayé de dire le Raptor et Adrien sur le fait de casser les codes, c'est on voit bien sûr le cliché de l'extrême droite dans les médias, à savoir il montre toujours soit le blond aux yeux bleus, ou alors... Plus ou moins skin, ouais. Ou alors la personne qui tient des propos un peu débiles, il faut bien l'avouer, avec le crâne rasé, voilà, le blouson en cuir, etc. Et casser les codes, c'est aussi donner... Ou le beauf. Oui, voilà, toujours ces images-là, c'est donner une image avenante qui inspire confiance. En fait, c'est être aussi dans la séduction, surtout quand on a une chaîne YouTube. C'est ce que Roger disait, c'est-à-dire montrer que des gens avec des idées qu'on juge mauvaises aujourd'hui peuvent très bien s'épanouir dans la vie. Je vois que vous n'êtes pas d'accord. C'est pas comme ça que le problème se pose. Il ne faut pas se caricaturer, mais il faut éviter de tomber dans le piège permanent consistant à essayer de se justifier par rapport aux attaques de l'adversaire. Ça, je suis d'accord. Un des principes qu'il faut suivre, c'est pas d'ennemis à droite. Par conséquent, on peut trouver parfaitement ridicule des gens qui ont le crâne rasé, etc. Et moi, je vous dis, il faut avoir vis-à-vis de l'extrême droite, je ne suis pas d'extrême droite, je suis une droite modérée. Et je vous dis, vis-à-vis de l'extrême droite, il faut avoir la même attitude que la gauche vis-à-vis de l'extrême gauche. Il faut dire que ce sont des gens, parfois excessifs, parfois dans l'erreur, ils se trompent, mais au fond, ils ont quand même de bons sentiments. Il faut être indulgent vis-à-vis de l'extrême droite et absolument pas tenir d'une extrême droite le langage que la gauche cosmopolitien vis-à-vis de l'extrême droite, et parce que ça ne fait que renforcer en fait sa propre diabolisation, c'est un très mauvais calcul. Mais sur le fond, on ne fait aucune concession. En revanche, c'est vrai que c'est la nouvelle forme qui permet de faire passer les choses. Je prends un exemple très, très précis que j'ai vécu moi-même, c'est la question Pétain. Concrètement, j'ai parlé près de 10 heures de Pétain chez Topa. Et ben, on va être très clair, le fait que je sois à côté de Topa, ça détend l'atmosphère. On va pas se mentir. Hein. Bon, voilà. Donc, et même le rendez-vous dissident, à sa façon, permet de faire passer la pilule, si je peux exprimer ainsi. D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu un tweet d'un individu qui se prétendait gauchiste. Donc c'est bien la preuve. Ancien, oui, ancien. Virginie ? Et dans la même série, en tant que femme, par exemple, on peut aborder beaucoup plus facilement la question, enfin, s'insurger contre le féminisme, contre même les migrants. Il est clair que dans les réactions sur YouTube ou quoi, on est moins attaqué, on est moins systématisé. Donc c'est un avantage aussi à tirer de notre image, en fait. Il ne faut pas nier les violences qui sont commises contre les femmes. Il y a beaucoup de femmes battues, c'est une vérité abominable. Et il ne faut pas nier non plus la multiplicité des prédateurs sexuels, qui sont malheureusement ce qu'ils sont, qui sont souvent protégés. Mais il faut dire que la réponse à cela, ça n'est pas le féminisme, c'est la courtoisie. C'est l'Occident a inventé, et la France en particulier a inventé, la courtoisie. C'est-à-dire que la femme est physiquement plus faible que l'homme, et dans toutes les sociétés, en dehors des sociétés occidentales, et encore dans les sociétés occidentales, c'est souvent dans les couches supérieures seulement, les femmes sont brimées, battues, assujetties. C'est la France, avant tout, et l'Occident entier, après la France, qui a inventé la courtoisie. C'est en France qu'il y a des salons où on mélange les hommes et les femmes, qui parlent ensemble. L'art de la conversation a été particulièrement inventé par la France, et parce que la femme y joue un rôle essentiel. Donc la réponse, je le répète, mais c'est important, la réponse au mauvais traitement que certaines brutes ont vis-à-vis des femmes, c'est évidemment d'appliquer la loi pénale, mais c'est aussi, et d'abord avant tout, une réponse de civilisation, ce n'est pas le féminisme hystérique, c'est la courtoisie. J'ai une question pour vous, Henri de Esquin. Alors vous avez une chaîne YouTube, n'est-ce pas ? J'ai moins d'abonnés go. Oui. J'en ai 25 000, je crois. Ça va changer dès ce soir. Ça va se retourner, je le sens. J'invite d'ailleurs les auditeurs à s'abonner aussi à ma page Facebook et à mes deux comptes Twitter, l'Esquin Libre et l'Esquin PNL. Et moi, ce que je voulais vous demander, c'est pourquoi avoir choisi YouTube en plus de Facebook et Twitter, qui déjà bon, sont un choix qui me paraît normal, mais pourquoi en plus YouTube, sachant qu'on peut poster des vidéos sur Facebook? Pourquoi avez-vous choisi de vous inscrire dans YouTube? Est-ce que c'est pour un nouveau public, agrandir votre Ah oui, c'est pour votre influence. C'est complémentaire. C'est une stratégie, oui, absolument. Une chaîne YouTube, au fond, c'est une sorte de petite télévision, après tout, une chaîne YouTube. Et donc... on peut avoir des gens qui vous suivent et qui vous écoutent, et on fait passer les messages idéologiques de manière beaucoup plus systématique et beaucoup plus profonde. Facebook, c'est un peu trop éparpillé. Et là, moi, la vraie question que j'ai, c'est le format de vos vidéos, qui n'est pas du tout choisi au hasard. Vous êtes inscrit dans une nouvelle culture, je vais dire une contre-culture, qui est associée à beaucoup de codes, de jeuxvideo.com notamment, même de Twitter. Pourquoi c'est pas un choix... C'est pas une coïncidence. Pourquoi vous faites cela? Non, mais j'ai deux sortes de vidéos. Il y a des vidéos qui sont plus classiques, où je fais un exposé sur un sujet, par exemple le vice constitutif de la philosophie occidentale. Mais la miniature, la miniature de la vidéo est quand même travaillée. Ah ouais, voilà. Ouais, et puis d'autres qui sont des vidéos plus amusantes, plus parodiques, etc. Essayez de faire passer le message de toutes les façons possibles. Et bien, je pense qu'on on apprend mieux, on fait mieux passer les idées en s'amusant. Je pense que le rire, d'ailleurs le rire aussi a un côté parfois subversif, mais aussi libérateur. Le rire nous permet plus facilement d'échapper à la peur de la répression et d'échapper aussi à la censure du cosmopolitiquement correct. On ridiculise le cosmopolitiquement correct. Car je crois qu'il ne faut pas dire politiquement correct, mais précisément cosmopolitiquement correct. Et alors, j'ai pu remarquer que vous aviez plusieurs comptes sur Twitter notamment. Je ne sais pas s'ils vous appartiennent, qui sont par exemple... bon, il y a les jeunesses leganistes. Non, j'ai deux comptes, j'ai deux comptes personnels qui sont l'Esquin Libre. Je rappelle que mon nom s'écrit, Henri de l'Esquin s'écrit sans I, hein, L-E-S-Q-U-N. Et l'Esquin PNL. Mais puis il y a d'autres comptes de sympathisants. J'ai vu les sont des sympathisants. Les Mahométans avec H2L. Les Mahométans avec H2L, c'est un très bon compte, un compte très intéressant. Henri de l'Esquin, dueliste légendaire, c'est vous ou pas? Non, je n'ai que deux comptes. Les autres comptes sont des comptes de sympathisants. Très bien. De militants ou de sympathisants. Très bien. Mais parfois, le dueliste légendaire, il fait des choses amusantes. Hein. C'est vrai, des montages sur Yu-Gi-Oh! Des montages très amusants, ouais. Très bien, donc c'était pour savoir si c'était de vous, très bien. Et quelle est au-delà de ça votre stratégie d'évolution là-dedans? Vous comptez, vous avez d'autres plans d'attaque ou juste le partage YouTube, etc. Est-ce que vous visez plus large que ça? J'ai créé un parti qui s'appelle le Parti National Libéral, le PNL. Tout à fait. Et donc nous allons dans les prochains mois le lancer et les gens pourront adhérer en ligne. Ce sera au fond le modèle technique, c'est le mouvement 5 étoiles en Italie. L'Italie est très innovatrice en matière politique, et je pense que nous pouvons développer un mouvement politique important grâce à Internet. Très bien. Avec l'aide du Raptor, peut-être. Bien sûr. Autre chose, puisqu'on parle... Si le Raptor pouvait manger de temps à autre un ou deux cosmopolites, pour se nourrir... Bien sûr. On parle de culture, donc on va parler de musique. Alors vous êtes connu notamment pour avoir parlé de la musique près de plume, que vous appelez... Musique nègre. La musique nègre. Ça n'a rien de péjoratif. En soi, le terme de musique nègre n'a rien de péjoratif. On évite les contresens. Pouvez-vous l'expliquer? Alors, oui. Deux personnalités, l'une d'Afrique, l'autre des Antilles, de race congoïde, donc, qui étaient feu Léopold Senghor, président du Sénégal, et l'autre Aimé Césaire, qui était, je crois, maire de Pointe-à-Pitre, il me semble. Donc un Antillais et un Sénégalais ont vanté l'art nègre. Il y a eu d'ailleurs à Dakar, je crois que c'était en 1966, un festival des arts nègres. Et donc la notion d'art nègre, qui inclut évidemment la musique, donc la musique nègre, n'a pas été défendue par moi en premier. J'avais 15 ans à l'époque. Elle a été défendue par des congoïdes, qui emploient volontairement l'expression musique nègre et art nègre. Très bien. Alors c'est une catégorie musicale. Deuxième contresens, je ne méprise pas du tout la musique nègre. Je suis le premier à dire qu'il faut être sourd pour ne pas sentir la beauté du jazz. Le jazz qui est le sommet de la musique nègre. Et qu'il faut d'ailleurs être sourd aussi pour ne pas sentir la beauté du blues ou des Negro Spirituals. Donc je ne crache pas du tout sur l'art nègre. Je pense simplement qu'il y a une hiérarchie des genres musicaux. D'abord, il y a une hiérarchie à l'intérieur de cette catégorie. Qui est l'art nègre, entre au sommet le jazz et tout en bas le rap. Et il y a une hiérarchie des catégories musicales, la musique occidentale classique est nettement supérieure à l'art nègre, même au jazz le plus beau. Debussy, Bach ou Wagner sont très au-dessus du meilleur des jazzmen, des joueurs de jazz. Et donc vous décrivez la musique nègre comme étant une musique avec un rythme sexuel. Alors dans la musique, dans toute musique, il y a différents éléments qui se combinent. Il y a la mélodie, il y a l'harmonie, qui est d'ailleurs une invention relativement récente. L'harmonie, comme la perspective en peinture. Et il y a le timbre des instruments ou de la voix, et puis il y a le rythme. Alors le rythme, ça peut être la cadence. La musique militaire est cadencée. Mais le rythme domine la musique nègre. Même dans le jazz, c'est l'élément rythmique qui domine. Première remarque. Oui. Et deuxième remarque, cette musique nègre, qui donc exprime l'âme artistique des populations de race congoïde, a un rythme qui est à caractère sexuel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je prie Virginie de m'excuser. J'ai la même sensibilité. Mais il est évident que le rythme qui est... utilisé par la musique nègre, c'est le rythme du coït. Il évoque le rythme du coït. Bon. Je n'y peux rien, c'est le tam-tam qui aveugle le rythme de l'écoulement. Comment reverser la situation? Alors parce qu'aujourd'hui, on la passe dans toutes les boîtes de nuit, c'est la musique des jeunes par excellence. Sur combien d'années vous estimez, par exemple, si demain vous arrivez au pouvoir, combien d'années vous estimez pour que les jeunes je suis pour se reconvertissent? Je suis pour la... Je parle de la musique, mais il y a aussi la danse. C'est peut-être encore pire, d'ailleurs. Ça va ensemble. La danse est sur le rythme. La danse et la musique nègre, j'ai dit et répété que l'invasion de l'Occident par la danse et la musique nègre était une régression civilisationnelle. Comment faire? Eh bien, écoutez, j'ai un programme simple, c'est mon programme culturel qui est exposé sur mon site henridelesquin.fr auquel je renvoie les auditeurs du Raptor. Je propose une mesure très simple. D'abord, je respecte la liberté d'expression et de création. Donc on pourra continuer à écouter ce qu'on veut. Très bien. Tout ce qu'on veut. Mais en revanche, dans les médias publics, France Inter par exemple, France 2, on bannira la musique nègre, purement et simplement, du jour au lendemain. Comme je l'ai fait d'ailleurs à Radio Courtoisie. On ne passe pas de jazz, ni encore moins de rap à Radio Courtoisie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien direct entre ce que les gens écoutent, ce que les gens apprécient en termes d'art, de culture, et leur manière d'être tolérant, d'avoir des pensées plutôt cosmopolites? Selon l'artiste, selon le rythme. Est-ce que vous pensez que je crois d'abord que le goût se forme ou se déforme. Mm-hmm. Et donc, en chassant la musique nègre des médias publics, mais aussi des médias autorisés par l'État, puisque je sais que toutes les radios et les télévisions diffusées par voie hertzienne, par voie terrestre, hertzienne terrestre, sont autorisées par l'État. Et donc on peut leur imposer des contraintes. Et moi, la contrainte que j'imposerais, c'est de ne pas diffuser de la musique nègre. Alors, d'un seul coup, la musique nègre disparaîtra de la radio et de la télévision, ce qui n'empêchera pas les gens de l'écouter sur Internet. Sur le Raptor peut-être d'ailleurs. Voilà, par exemple. Donc ça sera. Ils pourront acheter ce disque, tout ça, ça restera entièrement libre. Mais cette opération, on écoutera, au lieu d'écouter du rap, on écoutera, par exemple, pour prendre des exemples anciens, relativement anciens, Edith Piaf ou Jacques Brel, et pour parler de musique de variété, puis on écoutera de la musique classique aussi, j'espère. On commencera à rééduquer les gens. Alors je pense aussi qu'il faut une politique culturelle qui vise à redonner vie aux danses populaires occidentales. Je ferai juste une citation de Paul Valéry. Le goût est fait de mille dégoûts. Et tu l'expliques comment? C'est très simple. Le goût est fait de mille dégoûts, ça veut dire qu'il y a des choses à bannir, tout simplement. Très bien. Et est-ce que toi, tu penses que l'environnement dans lequel baignent les gens... Évidemment, moi, si tu veux, je ne dis pas que le rap est la cause principale de la délinquance, mais le rap, très clairement, contribue à l'explosion de l'incivisme. Mais est-ce que tu penses que, tu penses que ça contribue aussi à l'acceptation de populations halogènes, c'est-à-dire non assimilées, qui crachent ouvertement sur la France par des champs? Ça contribue, et puis c'est surtout, même concrètement, le peuple autochtone cosmopolitise à travers le rap. Il faut bien comprendre, monsieur Raptor, que le cosmopolitisme est un tout. Oui. Donc la musique nègre et l'art dégénéré, ça fait partie du système de subversion, de destruction de notre identité, dans tous les domaines. L'immigrationnisme, le libre-échangisme, le mariage homosexuel, la pornographie... Le rap, la musique nègre, que sais-je encore, ce sont l'art dégénéré, bien sûr, c'est un tout qui vise à détruire, à araser notre identité. Virginie? La musique et tous les divertissements associés, comme les films aussi, sont les meilleurs moyens d'inoculer l'idéologie du pouvoir en place. Ah, très concrètement, Henri Desquin, on comprend bien que la télé ne sera jamais favorable ouvertement, à part dans le cas de Monsieur Zemmour peut-être, à des idées de droite, concrètement. Sauf si nous prenons le pouvoir, à ce moment-là, nous changeons les têtes. Oui, oui. Nous mettrons un Raptor à la tête d'une chaîne de télévision. Bien sûr, à la place de Cyril Hanouna. Vous remplacez Cyril Hanouna. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'avoir le pouvoir, il faut qu'il y ait une reconquête. Ce que je veux dire, c'est que la télé étant verrouillée, est-ce que vous pensez réellement qu'Internet... un pouvoir d'influence? Je dis ça parce que... gigantesque. Moi, je pense qu'il a été surestimé au vu des dernières élections, où Macron perdait tout et son âge sur Internet, et a gagné de loin les élections. Alors, il faut dire que c'est un bon exemple, mais ça montre le pouvoir médiatique. Ouais. Mais il y avait unanimité du pouvoir médiatique en faveur de Macron. Et ce qu'Internet n'a pas réussi à faire, sans doute parce qu'ils n'ont pas été assez offensifs, c'est à détruire, à casser ce qu'on appelle une cascade d'opinions. C'est-à-dire que lorsque tout le monde dit la même chose, les gens ne peuvent pas croire que ce n'est pas vrai. Alors on leur disait que Macron était susceptible de devenir un bon président de la République, et beaucoup l'ont cru. 24% au premier tour, quand il même. Fait quoi, hein. Pas ce qui, mais ce qui limite quand même les conclusions qu'on peut tirer. Mais je crois qu'il aurait fallu cogner beaucoup plus fort sur Macron, beaucoup plus tôt. Adrien, il y a un bémol à mettre dans ton analyse, c'est ouais. qu'il y a le phénomène générationnel à prendre en compte. C'est-à-dire qu'en France, les personnes âgées votent énormément. Ouais. Et énormément d'ailleurs, notamment pour Emmanuel Macron. Mais si c'était uniquement les moins de 35 ans qui votaient, là tu vois que la force de frappe d'Internet est décuplée, si tu veux. Moi je vois bien d'ailleurs pour ce qui est des idées que je défends, que c'est dans les 18-25. Je ne parle pas spécialement des 18-25 qui sont remarquables sur le forum en question. Mais plus généralement, c'est la tranche d'âge 18 ans-25 ans, où les idées dissidentes, qui doivent devenir un jour majoritaires, mais qui pour l'instant sont dissidentes, anticosmopolites, ont la plus grande faveur, de très loin. C'est-à-dire 90% de mes sympathisants et ont entre 18 et 25 ans. Oui, mais démocratiquement, par le suffrage universel, il y a quand même tout le reste de la population, notamment tout ce qu'on appelle bon, les baby-boomers, etc., qui, eux, ne lâcheront pas l'affaire. Pas pour des raisons. Je suis incapable de faire une prévision en termes de durée. Mais je pense qu'il peut y avoir, sans qu'on puisse le prévoir, donc, des phénomènes de seuil, de rupture, si vous voulez. C'est difficile à dire et à prévoir, mais ça peut se produire. Il peut se faire qu'à un moment donné, eh bien, vous savez, mai 68, c'est une rupture. Mais il faut faire l'inverse, en quelque sorte. Mai 68 de droite. Une espèce de rupture psychologique qu'il faut préparer. Pas. Mais ce que vous faites là, vos émissions géniales du Raptor Dissident, ben elles contribuent à préparer cet anti-mai 68, ce mai 68 à l'envers, cette réaction qui a remplacé la révolution, et qui peut se produire, ce que j'espère. Donc, alors on ne sait jamais, si vous voulez, Marx a écrit son livre en 1848, enfin son livre avec Engels, le Manifeste communiste, et le marxisme est arrivé au pouvoir pour la première fois en 1917. Alors j'espère que ça sera plus rapide pour ce qui nous concerne, parce que ça fait quand même 70 ans hein, pour eux. Alors 70 ans, nous avons commencé il y a quelques années à peine, et donc j'espère que je verrai cette victoire, sinon ce seront les enfants. Virginie ? En fait, je pense que c'est du très long terme aussi, puisque comme vous l'avez souligné, c'est la génération 18-25 ans, du moins, qui prépare le terrain, soit qui peut-être... verra ce renversement par le travail qu'elle aura fourni et surtout par l'influence qu'elle aura eue sur la nouvelle génération qui, elle, n'aura pas du tout grandi avec la télévision. Mais n'oubliez pas quand même le parallèle avec mai 68, c'était les 18-25 qui ont fait mai 68, mais l'influence de leurs idées était telle qu'ensuite on a fait toutes sortes de lois cosmopolites, et en particulier la loi du 1er juillet 1972, la loi Pleven, la loi scélérate par excellence, qui a mis fin au régime républicain authentique pour nous plonger dans l'état cosmopolite. Virginie ? Justement, à ce sujet, je voulais vous demander, comme vous mentionnez souvent la crise de la conscience européenne de Paul Hazard, est-ce que vous ne pensez pas, ou du moins quelle est votre opinion, que ce cosmopolitisme était déjà en germe, par exemple, dans l'humanisme, l'égalitarisme, ces utopies du XVIe, XVIIe siècle. Donc c'est une conséquence, un aboutissement, si vous voulez, visible dans la société française de ce qui germait déjà, même depuis le nominalisme. Non, c'est bien avant le nominalisme. Alors il faut d'abord savoir, il faut donner quelques définitions pour être clair. Qu'est-ce que la gauche ? La gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. L'utopie égalitaire, c'est un mythe qui remonte au fond des âges. Et on voit très bien, lorsqu'on étudie, comme l'a fait notamment Shafarevitch, les utopistes, ceux qui, avant les révolutions des temps modernes, ont écrit, en imaginant le monde qu'ils appelaient de leur vœu, qu'il y a deux sortes d'utopies égalitaires. Il y a la caserne et le carnaval. La caserne, c'est l'utopie de la gauche collectiviste. Le carnaval, c'est l'utopie de la gauche cosmopolite. Et ce sont deux pôles antagonistes de la gauche. Et c'est très important de le comprendre parce que, pour ce qui est du pôle cosmopolite, du cosmopolitisme, là, on sait très bien l'origine, elle est très précise, c'est Diogène le Cynique, 350 avant Jésus-Christ. Le gars, il se masturbait en public, il expliquait que... c'est lui qui a inventé l'expression cosmopolite. Ça veut dire citoyen du monde. Or, le citoyen du monde, c'est une subreption dans les termes, si vous me permettez le terme de subreption, c'est-à-dire une tromperie, si vous préférez, parce qu'on est citoyen d'une cité, avec des frontières, avec des murailles. Et donc le citoyen du monde, en fait, n'est citoyen de nulle part. Le monde n'ayant pas de frontières ne peut pas être une cité. Donc en fait, le citoyen du monde se définit comme tel pour ne pas vouloir être citoyen de sa vraie cité et pour renier les traditions, les principes, les devoirs de sa cité. C'est un traître à sa patrie, constitutif. Et cette philosophie cosmopolite, ou cosmopolitique, puisqu'on traduit un mot allemand qui veut dire citoyen du monde, enfin, relatif au citoyen du monde par cosmopolitique, quand on traduit le livre de Kant de 1784 qui s'appelle Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Donc c'est une philosophie qui a cheminé longuement, mais qui a peut-être été dominante et encore à un certain moment de l'Empire romain, avec Marc Aurèle par exemple, mais sous une forme très assagie, et qui n'est en fait dominante que depuis l'effondrement ou depuis l'affaiblissement du marxisme, qui était une forme de collectivisme, et donc depuis mai 68. Mai 68, en fait, ça a été le basculement de la gauche du collectivisme au cosmopolitisme, pour dire les choses simplement. Et alors les gens qui me disent que le clivage droite-gauche a disparu ne comprennent pas que la gauche a deux visages. C'est pas parce que la gauche collectiviste, qui continue à exercer ses ravages, puisqu'en France, je vous rappelle, à ceux qui parlent de l'ultralibéralisme, nous avons 57% des dépenses publiques par rapport au PIB, il faut quand même être un peu sérieux, et on ne peut rien faire sans avoir une interdiction, sans subir une interdiction quelconque. Donc on est loin de l'ultralibéralisme, on est loin du libéralisme. Donc ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan idéologique, c'est le cosmopolitisme qui domine de loin et qui détruit tout, qui est pire que le collectivisme. Et vous parlez donc d'un mai 68, donc vous, alors, d'ailleurs. Vous estimez qu'il faut quand même un grand nombre de personnes. On n'est pas beaucoup sur YouTube. Le conseil que vous donnez aux gens... Vous savez, mai 68, c'était quelques milliers d'étudiants avec une poignée d'agitateurs. Ouais, hein. On est trois. On est trois sur YouTube, monsieur Desque. Oui, mais attendez, il n'y avait même pas YouTube. Ils avaient quelques groupuscules, mais c'était très peu nombreux. Non. Moi, vous savez, ça s'appelle en chimie... je cherche le terme. Une petite quantité qui peut déclencher de grands effets. Ça, je ne saurais pas vous dire la chimie. On va appeler ça l'effet papillon plutôt. Ouais, c'est l'effet papillon, c'est ça. Virginie ? Est-ce que mai 68 n'est pas une conséquence logique d'idéologie qui avait déjà germé auparavant, par exemple avec l'existentialisme ? Oui, bien sûr. C'est pour ça que... Bien sûr. Ouais. Mais si vous voulez, ce sont des gens qui étaient des marxistes qui ont fait cette opération et qui... Et qui étaient au pouvoir. Ceux qui ont fait ça, les étudiants qui ont fait ça, et derrière eux les idéologues, c'était des marxistes qui en fait sont arrivés à un résultat qu'ils n'avaient pas prévu. Comme cela arrive souvent en histoire. Parce que, en fait... Ils ont dépassé le collectivisme au profit du cosmopolitisme. La question que je voulais soulever, c'est que toute route vers un catalyseur, cherchez le terme. Voilà. En chimie, ça s'appelle la catalyseur. Effet papillon catalyseur. Qui accélère les réactions. J'avais un trou de mémoire. Toute route nous est barrée en politique, en fait, tant que la France n'est déjà plus souveraine. Mais ce que je veux dire, en mai 68, ceux qui ont fait cette révolution-là avaient déjà des alliés dans la place. Non, c'est je vous signale que la gauche a perdu les élections en 1968 et en 1969, et après, puisqu'elle n'a pris le pouvoir qu'en 1981, mais en fait, les idées cosmopolites avaient tellement infusé la prétendue droite que c'est elle qui a fait une politique cosmopolite. C'est Pompidou qui a commencé par faire une politique artistique complètement décadente, et ensuite une politique... allez voir le centre Pompidou, c'est typique de l'art dégénéré, le centre Pompidou à Paris. Hein. Et ensuite, on a eu Giscard qui a fait l'avortement, qui a fait toutes sortes de... Qui a libéralisé la pornographie, donc qui a continué à réaliser le programme cosmopolite. En parlant d'art dégénéré, je pense qu'on finira là-dessus sur la reconquête culturelle. L'art qu'on appelle contemporain, que vous refusez comme appellation, il ne sort pas de nulle part, c'est-à-dire qu'il y a quand même une éducation qui est faite. Peut-être que c'est un peu gros de pouvoir changer tout le cursus des artistes en devenir. C'est-à-dire que le truc est quand même diffusé dans toutes les couches des institutions, en particulier à l'école. Donc comment on peut diminuer l'influence de l'art contemporain, si ce n'est... L'art contemporain n'est pas de l'art, puisque l'art repose sur l'opposition du beau. L'art repose sur la recherche de la création de beauté. Oui. Donc l'art contemporain, par définition, se prétend un art conceptuel qui récuse la référence à la beauté, ce n'est pas de l'art. C'est pour ça que j'appelle ça du non-art dégénéré. Ce que j'oppose à l'art dégénéré proprement dit, l'art dégénéré, c'est Picasso. Vous voyez, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'anti-art, c'est-à-dire que on ne récuse pas la beauté, mais c'est la laideur qui devient de la beauté. Et ce que je veux dire, c'est que pour qu'il y ait... Une femme de Picasso, c'est vraiment... on ne passerait pas la nuit avec elle. Hein. Ce que je veux dire, c'est que pour qu'il y ait... Excusez-moi, mais pour qu'il y ait vous voyez ce que je veux dire. Pour qu'il y ait des artistes dégénérés... Même sur une île déserte, ce serait impossible. Pour qu'il y ait des artistes dégénérés, il faut qu'il y ait un parcours scolaire qui incite pas de... Parce que vous êtes pour un retour à l'art un peu plus classique. À l'art véritable. Mais il faut commencer par... Vous connaissez le principe de la médecine, enfin le vieux principe, primum non nocere, le primum non nocere, si vous préférez. D'abord, ne pas nuire. Donc il faut commencer par couper les vivres. Bien sûr. L'argent public, pas un sou pour l'art dégénéré. J'ai même proposé d'ailleurs dans mon programme, ça permettra d'abord, dans un premier temps, de financer l'État, c'est de vendre tous les objets qualifiés d'œuvres d'art dégénéré, de les vendre. Alors au début, ça se vendra cher, puis ensuite, nous allons casser les prix en vendant ces saloperies. Et donc, premièrement, nous gagnerons de l'argent, et deuxièmement, nous démolirons, comme en fait, c'est le critère de la qualité artistique, c'est un critère purement marchand, ce qui est absurde, évidemment. Donc c'est le prix de l'œuvre qui persuade les gens que c'est bien, qu'il faut l'admirer. Et donc, ce sera pédagogique de vendre ces saloperies qui infectent nos musées, pour d'abord tirer de l'argent et ensuite casser les prix. Ouais, très bien. Écoutez, on va passer aux lectures des questions des dons. Alex, si tu peux afficher ça. Ensuite, vous aurez un appel. Figurez-vous qu'un auditeur aimerait vous poser une question sur... je vous donne le jus de pomme framboise, il n'y a pas de problème. Sur l'opposition entre national et libéral. Facile. Mais attendez, on le laissera s'exprimer. Facile. D'abord, on va dire, on est dons, on était où, à où, Alex? Le gâteau de Sidonte, on l'avait lu. Folks, c'est ça. Alors, merci Folks qui nous dit bonjour à tous. Ma tante ne pouvant faire d'enfants, ils ont adopté plusieurs enfants, dont un du Burkina Faso. Cette personne a grandi en France dans une famille catholique et elle se sent française et uniquement française. Voilà, il n'y a pas de question. Quelqu'un veut commenter? Bah non, mais c'est évident que quelqu'un qui est dans cette situation n'est pas susceptible d'être immigré, c'est un Français. Vous êtes pour ou contre l'adoption des couples non fertiles? Des couples qui ne sont pas fertiles. Bah bien sûr que quand on peut refuser l'adoption. Ah bah je sais pas, moi je considère qu'il y a une fatalité naturelle. Non. Très bien. Encore heureux qu'on puisse accepter l'adoption. Il faut même encourager l'adoption pour éviter aujourd'hui l'incitation à l'avortement. Très bien, très bien. Mais de l'adoption à l'international ou uniquement dans des foyers nationaux? Je suis très critique pour l'adoption à l'international qui me paraît avoir des effets négatifs sur notre identité. Très bien. Sur le fond génétique de la population. Très bien. Alors on a Sœur Marie-Ange qui nous dit pour virer les sculptures immondes qui profanent le sanctuaire du Mont-Saint-Michel et le financement de la campagne présidentielle de Papacito. Merci à toi. Ex-random des terres, merci à toi. Et il est habituel, celle-là. Eric du F qui nous dit, merci à toi. C'est toujours un plaisir d'entendre Monsieur Devesquin. Henri, pouvez-vous nous faire un point sur ce qu'il se passe à Radio Courtoisie? Si ce n'est pas trop long, évidemment. Bon, très rapidement, donc j'ai été victime d'un poupouche le 1er juillet 2017, causé par des scélérats, un trio de scélérats qui a voulu normaliser la radio et éliminer quelqu'un qui était politiquement trop engagé à droite. Et ce trio de scélérats a vu, à la suite de la demande de deux personnes, deux membres de l'association Radio Courtoisie, mais non pas de moi, je n'étais pas demandeur, le tribunal de grande instance de Paris annuler cette assemblée générale par un jugement du 6 mars avec exécution provisoire. Donc actuellement, il n'y a plus de président ni de trésorier Radio Courtoisie. Et donc j'espère bien qu'à la suite de la prochaine assemblée générale, je retrouverai la majorité, puisque je suis le seul à représenter l'autorité légitime de Radio Courtoisie, le seul à pouvoir d'ailleurs la sauver financièrement, la sauver culturellement, et la sauver surtout de la normalisation qui est déjà en cours, à cause de ce trio de scélérats dont j'ai parlé. Très bien, il vous pose aussi une petite question, rapidement, sur l'environnement. L'environnement climatique. Voilà. Si on peut être rapide. Ce serait simple. La théorie du réchauffement climatique causé par l'homme est un bobard. Et c'était un bobard et même un complot. Une vidéo prévue sur le sujet Pour la COP. Ça serait bien, ouais. C'est un bobard qui est d'ailleurs un complot. Vraiment un complot dont on connaît l'auteur, qui s'appelle Maurice Strong, qui était un homme liche de David Rockefeller, et qui a fait en 1992 le sommet de Rio. Et ce bobard montre d'ailleurs la force de ce que j'appelle la superstructure mondiale, qui impose sa volonté, qui a imposé son bobard à tous les États du monde quasiment, sauf les États-Unis avec Trump. Très bien. Question suivante de Azertiop, qui nous demande, merci à toi, qui vous demande, Henri de Esquin, le danger islamique est bien plus préoccupant que le danger du métissage. L'islam, contrairement à la couleur de peau, amène avec lui une idéologie colonisatrice anti-française et anti-occidentale. Ce sont deux dangers, mais pour moi le plus grave, c'est la congolisation, je ne parle pas spécialement du métissage, je parle de l'installation en masse de population d'une autre race que la race caucasoïde, car je rappelle que la France est avant tout, comme le disait De Gaulle, c'est une évidence, dans son identité, un peuple de race caucasoïde, race blanche si vous préférez, de race caucasoïde, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Très bien. Alors Charles Cartel, qui est habituel dans les noms, qui demande où on peut trouver le bouquin de Sueur Abouzi. Alors, principalement sur le site de ma maison d'édition, les éditions Altitude, et j'en profite pour dire que le bouquin... Rappelez le titre. Le titre de mon livre, c'est La France divisée contre elle-même. Mais je tiens à préciser que le site n'est pas en vente sur Amazon. Pourtant, Amazon prétend que le livre est en rupture de stock sur son site. C'est de la publicité mensongère. Alors, la maison d'édition a commencé à écrire à Amazon. Je crois qu'Amazon n'a pas capté que j'étais avocat. Ils vont bientôt le comprendre. Très bien. Alors, on a Quentin Fils-Dup. Merci à toi. Je crois que c'est un truc de Mister V. Bref. Monsieur de l'Esquin, cela vous dirait un petit feat avec moi sur la rémigration? Est-ce que vous voulez faire du rap en featuring? Non, je suis absolument hostile au rap. Mais je trouve très bien qu'il y ait des gens qui fassent du rap dans le bon sens. Et qui vous propose des featuring. Les featuring, c'est... c'est un anglicisme pour dire un duo. Rap? Oui. Ah non, moi je veux bien chanter, mais pas du rap. C'est dommage. Non, c'est hors de question. Très bien. Même du rap nation. Non, mais c'est du rap nation, ça reste de la musique nègre, même quand c'est chanté par des caucasoïdes. Enfin, chanté. Salmodier, si je me souviens de dire. Très bien, alors. Gueulé par des caucasoïdes. On a Juge Frollo, qui nous dit beaucoup de catholiques ce soir, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est la messe du dimanche. dédicace à Sainte Hildegarde de... Mingen. Voilà, ça... Excellent. Question pour Monsieur Desquin. Êtes-vous plutôt partisan du Vatican II ou du CD Vacantisme? C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Alors, le CD Vacantisme est une plaisanterie. Le pape François actuel est le vrai pape, malheureusement. C'est un pape cosmopolite sur le plan idéologique et c'est un pape hérétique. C'est pas possible, un pape hérétique, Monsieur Desquin. Concile Vatican, C'est une erreur de dire que c'est pas possible. Concile Vatican, hein. C'est faux. Ça a déjà eu... Non, mais vous trompez complètement. Non. Monsieur Abouzi, c'est pas le Concile Vatican. Monsieur Abouzi, il connaît très bien le Concile Vatican. Il connaît très bien même les interprétations, les députations. Et voilà. On parlera de ça une autre fois. Le pape est infaillible lorsqu'il se prononce ex cathedra, mais il peut parfaitement être hérétique lorsqu'il ne se prononce pas ex cathedra, ce qui est le cas du pape François. Bon, et ça a été démontré d'ailleurs par une correction filiale qui lui a été adressée, que je vous incite à lire. Tapez correction filiale pape François sur internet, et vous aurez la version en anglais ou la version en français, qui vous démontrera que le pape est hérétique, non seulement parce qu'à cause de la communion... Bergoglio est hérétique, c'est vrai. Le CD Vacantisme est une absurdité. Deuxièmement, le Concile Vatican II est un vrai concile aussi, mais un concile calamiteux, et je dois dire que je suis ici d'une espèce particulière, parce que je me définis... Il n'est pas ex-cathédrale, le Concile Vatican II, monsieur de l'Esprit? Je me définis... Attendez, officiellement. Je me définis comme archéo-traditionnaliste. C'est-à-dire que je considère que le Concile Vatican I lui-même est très critiquable, je préfère nettement le Concile de Constance, qui affirme la priorité du Concile sur le pape, au Concile de Vatican I, qui a dit le contraire. Voilà. J'ai une question, j'entends archéo... Archéo-traditionnaliste. Ça me fait penser à archéo-futuriste. Votre slogan... Je suis les deux. Et Saint-Louis plus l'ordinateur. Est-ce que vous avez une explication pour ce slogan? Saint-Louis plus l'ordinateur. Je vois pas dire aussi Saint-Louis plus la fourchette, d'ailleurs. Parce que, bon, Saint-Louis est un modèle d'équilibre entre le spirituel et le temporel. Attendez, non mais... Pas de chuchotement. J'écoutais. Les mauvais élèves chuchotent. Ah, incroyable. Ça me paraît assez clair, Saint-Louis plus ordinateur. L'équilibre spirituel Saint-Louis, je trouve ça génial. Avec Saint-Jean d'Arc, c'est admirable. C'est un personnage admirable, Saint-Louis. Et donc, je vous dis, Saint-Louis idéal, mais évidemment, avec quand même le progrès technique. Bien sûr. Eh bien, on a une nouvelle question de Romgeo. Merci à toi qui nous dit 10 000 francs CFA pour cette équipe d'élite, ce qui équivaut à 15,82€ visiblement. Peut-être que Dieudonné pourra faire la conversion, parce qu'il s'y connaît bien en France CFA. J'ai des compétences sportives, diplomatiques et linguistiques à apporter. Comment aider? À quand le site monte une équipe? Le site monte une équipe, Alex, qu'est-ce qui se passe? Juin, juillet, maximum. En attendant, vous pouvez suivre le Twitter, @monte une équipe, on a des infos dessus. Monte une équipe sur Twitter, le site sortira au moment de la pause du live, plus ou moins, donc juin, juillet. Et vous pouvez voilà, occuper vos vacances si vous n'avez pas quoi partir trop loin. Et ben vous pourrez partir faire des pompes dans la rue et lire des livres. Matmata, je crois qu'il est habituel aussi. Présent le grand soir, merci à Monsieur de Lesquin de défendre la France par son apport de connaissances culturelles et la défense de la langue française. Oui, je confirme. Le bien parler est le meilleur des actes dissidents. PS donc pour le Uber de Mademoiselle Vota. Voilà. Et vous avez raison, hein, vous avez raison, parce qu'ils augmentent les prix en soi. Chacal, je suis un plouc, donc c'est quoi un gauchiste? Enfin, c'est quel type de façon de penser? Parce que j'ai pas trop compris. Quelqu'un veut répondre? Moi, une précision linguistique, je n'aime pas le terme de gauchiste parce qu'il crée une ambiguïté. Dans l'histoire des idées politiques, le gauchiste, c'est celui qui est à gauche du Parti communiste. C'est celui qui est à gauche de Lénine. Lénine avait écrit un livre intitulé Le gauchisme, maladie infantile du communisme. Ça me gêne qu'on applique le terme de gauchiste à des gens qui sont de gauche. Alors je préfère qu'on dise gaucho, si on veut dire. Et puis aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est de distinguer justement à gauche, il y a des collectivistes, il en reste évidemment, hein, CGT par exemple, mais il y a beaucoup plus, et c'est ça aujourd'hui le combat principal, ce sont les cosmopolites qui veulent détruire les frontières. L'antagonisme est ancien. Rousseau, qui était le maître à penser de la Révolution française, qui était essentiellement collectiviste, était anti-cosmopolite et dénonçait le cosmopolitisme. Donc gauchiste égale cosmopolite. Aujourd'hui, gaucho, pas gauchiste. Gaucho. Pas gaucho. Aujourd'hui, il vaut mieux dire cosmopolite pour être précis. Très bien. Cosmo, si vous préférez. Virginie, tu voulais intervenir? Oui, j'aurais voulu rajouter que la gauche, c'est l'anthropocentrisme, c'est-à-dire le renversement de l'ordre naturel, donc l'homme divinisé, l'apothéose humaine. L'individualisme. Très bien. Bon, et bah, nouvelle question de Yonis, merci à toi. Tout d'abord, merci à vous tous pour vos lives de qualité, merci à toi, et mes salutations à monsieur Henri Desquin. Vous êtes incroyable. Je suis un jeune étudiant et un étranger, et je vous soutiens, royaliste ou républicain nationaux, de la part d'un congoïde d'Éthiopie. Très bien. Ah, ils sont pas congolais. En Éthiopie, je ne sais pas de quelle ethnie vous êtes exactement, mais les homoros en Éthiopie sont des vrais congoïdes, mais en revanche, si vous êtes amara ou bien tigréen, à mon avis, vous n'êtes pas vraiment congoïde, vous êtes plutôt caucasoïde, légèrement teinté, enfin légèrement métissé. Très bien. Bah voilà. Faut être pressé, hein. Nouveau, Anto CO, merci beaucoup à toi. Bravo à vous, surtout Adrien, pour son bon boulot et à toi pour ton talent. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi Laïtiagami, merci The Sailor qui nous dit 9500 viewers et bah putain, et en top tendance sur YouTube, j'ai regardé hors connexion. Merci pour tes invités de qualité supérieure à Virginie et Adrien, présents très souvent en espérant que l'on reverra Monsieur Delisque. Bah, si vous m'invitez, bah, c'est un plaisir. Bien sûr. Doublé d'un honneur d'être invité par le Raptor. Et bah, on parlera de le Raptor qui, malgré son nom, ne vous mange pas quand vous entrez chez lui. Ouais, tout à fait. Alors, on a Le Pen X, oh. Comme... C'est un jeu de mots déplacé, là. À mon avis, ça fait référence à Astérix. C'est involontaire. Non, mais... Franchement... Alors, Henri Desquin, pensez-vous que, du fait de leur QI élevé, le métissage avec des populations mongoloïdes est une chance pour la France? Non. encore une fois, à petite dose, tout est possible. Mais d'abord, je crois que les statistiques chinoises sont truquées. J'ai entendu votre théorie là-dessus. Et même les statistiques coréennes. Vous savez, c'est facile de truquer les statistiques en prenant des échantillons qui ne sont pas représentatifs. Donc lorsque je vois que dans les cartes de QI moyen... la Chine a 5 points de plus que la France, je me permets d'avoir des doutes. Du point de vue civilisationnel, c'est tout à fait contraire à ce qu'on peut constater sur la hiérarchie des civilisations. Mais en tout cas, c'est certain que le QI moyen des Mongolides est quand même élevé, presque égal à celui des Caucasoïdes, à mon avis. Mais ce n'est pas seulement une question de QI, c'est une question d'identité. Moi, je trouve une Française de souche qui a un QI faible, bah, elle est française. Nous sommes, il n'y a aucun lieu de la mépriser. Hein. Le QI n'est pas le seul critère. La moralité est plus importante, hein. L'énergie, etc. Alors, il faut simplement préserver ce que j'appelle le peuple historique français, tout simplement. Très bien. Alors, notre identité. On enchaîne avec Cochon Halal, qui est là toutes les semaines. Cochon Halal. On présente. On te salue, on te salue. Il élève réellement hein, des agriculteurs à Toulouse. Hein, ah bah bravo. Faut le savoir. La terre ne ment pas. Hein. Et bah, il nous dit, très bon live. Monsieur Desquin, comptez-vous éventuellement vous présenter aux futures élections présidentielles? Vous l'avez déjà fait, mais j'ai essayé, mais je n'ai pas eu les 500 signatures. Vous vouliez entrer en débat avec monsieur Asselineau, peut-être? Non, je refuserai pas un débat avec Asselineau, bien que je ne suis pas sûr que comme qu'il l'accepte, parce que je l'ai traité d'ordure cosmopolite. Alors, ça l'a marqué, hein. Et ça l'a marqué, mais c'est vrai. J'appelle un chat, une ordure cosmopolite. Et pour 2022? Bah écoutez, c'est prématuré. Parlons plutôt des élections européennes de 2019, où là, il y a plus de chances que je fasse quelque chose. Très bien. Vous serez candidat vous-même ou une liste? Vous présenterez une liste? Bah, les européennes, c'est forcément une liste. Ah, très bien. Ouais. C'est un scrutin de liste. J'imagine. Donc si je fais une liste, je serai tête de liste. Ah, voilà. D'accord, très bien. Archibald, bonjour à tous. Merci pour ce live de haute voltige. Pensez-vous que Aurélien Enthoven sera là, sera le prochain hostis envoyé par les cosmopolites sur Internet? Le prochain quoi? Je sais pas, le prochain hostis. Ah. moi je l'enverrais bien sur la galaxie Andromède pour nous en débarrasser, mais bon, c'est tout ce que je peux répondre à cette question. Hein. Très bien. Bon, on enchaîne avec Pater, je crois Palter, qui nous dit « Bonsoir, je viens exposer un souci au sein de la dissidence. Beaucoup d'eux crachent sur les autres car ils n'ont pas exactement la même ligne de pensée, tout à fait. Alors qu'on devrait plutôt se réunir sur les valeurs fondamentales face au cosmopolitisme. » Tout à fait. Bah, oui, mais moi, je suis évidemment d'accord. Je suis pour l'union de la droite, du centre-droit à l'extrême-droite, en passant par la droite modérée, dont je fais partie. Mais il ne faut pas se tromper. Et, il y a, je vais d'ailleurs faire un exposé le 21 juin au Carrefour de l'Horloge, à Paris, sur le thème, c'est ouvert à tous, hein, je le dis au passage, c'est 4 rue de Stockholm, Paris 8e, à 20h30, le 21 juin, et sur le thème des deux frontières de la droite. C'est-à-dire qu'il y a une frontière qui sépare la droite de la gauche, principalement cosmopolite, mais il y a une frontière interne entre la vraie droite et les candoles. C'est-à-dire les kek ou tocards. Les antiracistes de droite. Ce sont des gens qui se disent de droite, mais qui en fait bavent sur la vraie droite, notamment au nom de l'antiracisme. Donc ces gens-là, du point de vue stratégique, j'en suis arrivé à la conclusion aujourd'hui, comme c'est l'exemple américain qui nous le montre, que pour gagner, il faut d'abord purger la droite des crandoles. Très bien. Alors, on a encore une question de Marquis Turbo-Libéral. Alors, désolé, mais là, donc ça porte sur Vatican II. Je sens que on va y passer 10 minutes, mais merci à toi. Jules Kido, qui nous dit « Virginie, merci pour les interventions. Je ne suis pas catholique, mais c'est intéressant d'entendre ton point de vue, toujours pertinent et rigoureux. Bravo. » Merci beaucoup. On en est à où? On en est à le Death qui nous dit pour qu'on rémigre, Jean à s'en placer et Jawad, et pour les 5 lives où je donne pas. Bah, merci à toi. Saint-Éloi qui nous dit salut Raptor et merci pour ton boulot à quand une entrevue avec Laurent Berton pour apporter un peu d'infos au débat et réaliser le rêve de Papesté au passage. Je suis en train d'entrer en contact pour le faire venir participer à l'émission. Lisez les livres de Laurent Berton qui sont très bien. Le dernier c'est Guérilla, je crois, qui était très bien. Hein. Je l'avais reçu à l'antenne de Radio Courtoisie d'ailleurs. Merci à toi Playa, merci Gauchiste qui nous dit « Cher monsieur de Lesquin, ce live avec des gens politiquement proches de vous, c'est bien, mais seriez-vous ok pour débattre avec une personne de gauche en live ?» Bah, évidemment. Mais quelle plaisanterie. Évidemment, je vais débattre avec n'importe qui, hein, franchement, à condition que il reste poli. Alors évidemment, je suis poli quand je les traite d'ordure cosmopolite, hein, ce n'est pas une injure, c'est un diagnostic. C'est ça, d'accord. Très bien, alors couille de luxe, merci à toi qui nous dit « Bonsoir, avez-vous entendu parler d'Éric Fioril et du Conseil National de Transition ?» Non. Ok, le mec a l'air d'éther et monte une équipe pour le 5 mai. Ok, je ne sais pas du tout. À monsieur de Lesquin, attends, redescend. Monsieur de Lesquin, le cochon est-il au centre de la table? C'est dommage, parce que le rappeur se ruinerait. Le cochon, c'est une référence à Radio Courtoisie, où on met un cochon sur la table de l'émission, du studio, et à chaque fois qu'on dit un mot anglais, on met une pièce dans le cochon. Enfin, on est censé. Cochon halal. Oui, bien sûr, cochon halal, bien sûr. et donc là, vous seriez ruiné, parce que je veux dire, là. C'est vrai que c'est difficile, je m'en suis rendu compte, du coup, grâce à vous. Alors, Armand Jean de Duplessis, très bien. Dédicace aux personnes du lycée Richelieu qui soutiennent les idées de Henri de Lesquin et à l'élite. Monsieur de Lesquin, le métro parisien en 2024 avec la ligne 16 sera un exemple à grande échelle. Vous connaissez la ligne 16 ou pas? Non. Alors c'est une prévision de ligne qui en fait mène tous les points de deal de drogue les uns aux autres. C'est assez intéressant. Donc il le cite, sera un exemple à grande échelle du communautarisme et du cosmopolitisme qui règne. Bah oui, ça me paraît clair. Hein. Très bien. Alors merci à... Le projet de Grand Paris me paraît absolument délirant sur le plan financier. Hein. Ah. Merci à Swigolas qui nous dit le rythme sexuel de la musique nègre, hein, oui. Futur roi, merci à toi. Alors bon, c'est un très très long message. Pour une autre fois. Ouais, désolé, on n'aura pas le temps, mais merci à toi. Joe, merci, qui nous dit pour que tu mettes une claque sur la nuque de Fisher, qu'il actualise un peu. C'est pas lui qui actualise le truc, c'est Alex. C'est vrai qu'Alex... J'ai obligé de filtrer en fait. Il y a on peut battre Alex à la place de Fisher. C'est vrai... c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il filtre un petit peu Twitter, il y a eu quelques montages que j'ai eus. Alors Ox qui est là toutes les semaines, merci à toi. Raptor, en parlant de musique, donne-nous ta chanson interdite, celle que tu as honte d'écouter et d'aimer, qu'on rigole un peu. Ah oui, laquelle? Et qui, bah, moi je suis fan du PNL, vous savez bien. Oh quelle horreur. Le mauvais PNL. Le mauvais PNL de rap. Oui mais c'était pour c'est justement une stratégie pour introduire le futur PNL. Il faut jamais sous-estimer. Parti national libéral. Ouais, j'ai toujours un coup d'avance. C'est dommage qu'il n'y ait pas la télévision parce que la vidéo parce que j'aurais montré mon emblème. C'est vrai. Mon insigne. On le mettra sur Twitter. Mon insigne. Ne vous inquiétez pas. Sur Instagram. Je vous en fais cadeau alors. Oh, alors là je suis honoré. C'est incroyable ce qui se passe. En plus ça c'est la catégorie supérieure, hein. C'est l'insigne PNL. Catégorie supérieure. Il y a deux grades. Je suis honoré, franchement. Merci beaucoup, c'est un moment historique. Très, honnêtement, il est très très beau. Il est beau, je vous hein. montrerai sur Instagram. Il est beau. Quelle hein. fierté. Alors, Arnaud 1998, merci à toi. Alors, bonsoir à vous, merci encore une fois pour ces moments de vérité. Juste une chose, l'UPR prône le souverainisme, non le cosmopolitisme. Lol. Non, attendez, soyons sérieux. Le souverainisme, c'est un mauvais synonyme dans la meilleure hypothèse du nationalisme. Mais le souverainisme des Philippot et autres Asselineau, ça consiste à considérer la nation comme un contenant sans contenu déterminé. Et moi, je me rappelle, j'avais beaucoup choqué des souverainistes de cette époque, lorsque je leur avais dit, mais écoutez, à quoi ça sert d'être souverain si on a perdu son identité? Et j'avais rappelé d'ailleurs une caricature de l'excellent caricaturiste qui s'appelle Conk, qui montrait, alors c'est un peu long, mais c'est plusieurs images de suite. On voit, la première image, c'est... Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur de Pompidou, donc à son bureau de ministre de l'Intérieur, qui dit « il y a un problème de l'immigration ». L'image suivante, c'est Poniatowski, ministre du président Giscard, qui dit « nous allons nous occuper du problème de l'immigration ». Troisième image, c'est Pasqua, qui est ministre de l'Intérieur de Mitterrand en 86, qui dit « nous allons régler le problème de l'immigration ». Et puis non, la dernière image, on voit alors un superbe congoïde, qui était au même bureau, devant une photo qui ressemble à la lettre de la comédie, et qui dit « il n'y a plus de problème de l'immigration ». Et autrement dit, oui, si la France est souveraine, mais qu'elle est une république islamique ou bien un état congoïde, je ne vois pas l'intérêt qu'elle soit souveraine. Hein. Je préférerais qu'elle ne le fût point dans ces conditions. Très bien. La souveraineté n'est que l'accessoire de l'identité. Alex, tu peux nous afficher ce très beau gif là sur le Wakanda? J'essaie de le retrouver. Ok, on le verra juste après. Bah, je vais lire encore quelques dons si tu le veux bien. Ah oui, le Wakanda, ouais. Alors, donc merci à Grand Suisse, merci à ADS qui dit encore un dimanche de gagner grâce à vous. Continuez à élever cette jeunesse française qui a soif de vérité. Merci à vous tous, continuez. Bah, merci à toi. Et pour finir, Petrus Solkan qui nous dit « Pour convaincre les gens, faudrait-il encore qu'ils soient sensibles à la logique et désirent la vérité tout à fait, et non juste leur confort égocentré. Sans oublier l'immigration façon Terra Nova, dont les bataillons électoraux s'accroissent exponentiellement. » Vous en pensez quoi Je suis pas sûr que les bataillons électoraux s'accroissent exponentiellement malgré l'immigration, d'abord parce que les immigrés ne votent pas, heureusement, et ensuite, quand ils finiront par voter pour des partis ethniques, hein, si vraiment l'immigration continue... Sur ce rythme, eh bien, il y aura des partis ethniques, des partis congoïdes ou des partis musulmans qui se créeront. Hein. Bon, bah très bien, c'était la dernière question, on verra plus tard. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pub, ensuite de faire l'audience royale où on appellera donc un auditeur qui va vous poser une question, et de faire, et là c'est la surprise pour ce soir, le remigration quiz. Attention, Henri de Lesquin décide si on réémigre ou pas, donc je vous dis à tout de suite. Qui a été publié la semaine dernière par le site mademoiselle.com et réalisé par Myriam Hegel, à savoir comment s'habiller lorsqu'on va faire une IVG. Autrefois c'était un article pour Madame Legorafi, aujourd'hui c'est la réalité, ou du moins c'est surréaliste, mais on va dire que c'est devenu une question très sérieuse et hautement existentielle pour le site féministe mademoiselle.com, et cette vidéo a bien entendu déclenché une grande polémique de la part des méchants réacs et des fachos. Et j'avais envie de porter à votre connaissance un florilège de commentaires de la communauté de mademoiselle.com, parce que je trouve assez intéressant d'étudier et de comprendre et de porter surtout à votre connaissance, comme je l'ai dit, la mentalité de ces personnes. Sinon, rien de mieux que son pyjama et Netflix en bonne compagnie pour passer le temps. Donc voilà, l'IVG, c'est un petit moment désagréable, donc autant commander une pizza, regarder des séries dans un bon pyjama. C'est un peu long, mais ça va passer, ça se limite à ça. Pratique, déculpabilisant, grand public, pour moi c'est l'essentiel d'un message sur l'avortement. Donc pour cette personne et pour ces personnes-là, il faut que l'avortement soit grand public, que tout le monde ait connaissance du fait que c'est un acte banal, gratuit, anonyme, accessible à tous, et que ça ne doit jamais être jugé, qu'on ne doit jamais vous faire la morale, qu'on ne doit jamais vous demander qu'est-ce qui vous a conduit à avorter, comment ça se fait que ce soit quand même la quatrième fois que vous ayez recours à l'avortement. Vous êtes totalement déresponsabilisé, et c'est ce qu'elle recherche. Je m'appelle Daniel Obono, député de la France Insoumise, 17e circonscription de Paris. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes députée de la République avec l'écharpe bleu, blanc, rouge, et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson « Nique la France » du groupe ZEP. Ouais. Ah ! Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé à cette époque la chanson ? La liberté d'expression de ces artistes. Oui. Donc nique la France, ça vous choque pas? Enfin, moi je la prends, mais ok, la liberté d'expression, d'accord, ok, Charlie, oui, non, mais d'accord. Personne... Non, mais nique la France, excusez-moi. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France? Je ne peux plus. C'est pas... Pourquoi non, mais la France? Vive la France, parce que c'est la démocratie, vous êtes député de la République. Bah oui, j'en suis honoré. Je dis vive la France, vous pouvez pas dire vive la France. Si, je peux dire vive la France, oui. Vous êtes plus facile à soutenir nique la France que de dire vive la France. Je trouve quand même que pour un député de la République, c'est... Mais enfin, attendez, ça me paraît bizarre. C'est quoi c'est la réémigration. Bonsoir. Que très pas si je faiblis. La France, vous pouvez pas dire... Ça fait penser aux brigands. Alors, Henri de Lesquin me dit que Audience Royale fait secte. Non, voyons. Alors, on va commencer par quelques questions. Fischer, est-ce que t'es... Oui, j'en ai. Ce soir, est-ce que t'es bon? Ouais, j'ai t'es déterminé? Ouais. Alors, vas-y, prouve-le. Vas-y, Fischer. Alors, non, mais c'est bon, il y a quelqu'un qui a bougé. Alors, il y a Jean Dubéry qui a une question pour Monsieur de Lesquin. Ah, Jean Dubéry, il me suit sur Twitter, il est très bien. Ça va? Puis-je avoir un peu de cet excellent jus de fruits? Non, est-ce plus. Alex, t'as fini le... C'est une bouteille, là. T'as fini le pomme framboise? Non, il est... Très bien. Bah allez, Jean Dubéry. Pensez-vous que les impressionnistes font partie de l'art dégénéré? Non, alors si vous voulez, alors, là je vais développer ma théorie. Ma théorie est la suivante. Ma théorie c'est la suivante, elle vient d'ailleurs de mes visites des grands musées. J'ai vu tous les grands, enfin, en tout cas la plupart des grands musées mondiaux. Et j'ai toujours été frappé, mais visuellement, avant même d'y avoir réfléchi, d'y avoir analysé la chose, par la rupture qu'a traduit l'impressionnisme. Et honnêtement, l'impressionnisme, c'est une chute de qualité considérable. C'est-à-dire qu'on peignait bien avant, on a continué pas en dehors de l'impressionnisme après, mais l'impressionnisme, c'était Zozo, qui ont épaté le bourgeois et qui ont inventé le café de la propagande. C'est du sous-art. L'impressionnisme, c'est du sous-art. Et alors, on est passé. Non, c'est encore de l'art, parce qu'ils recherchent la beauté, mais ils recherchent la beauté dans la facilité. Bon, du sous-art, honnêtement, on peut trouver encore ce qu'il y a de mieux dans l'impressionnisme, c'est-à-dire, mettons, Monet, mais par rapport aux prétendus pompiers de l'époque, c'est-à-dire les académistes, les classiques, comme Meissonnier ou Bouguereau, ben, c'est nul, quoi. Meissonnier ou Bouguereau, c'est très supérieur aux impressionnistes, sans aucune comparaison. Enfin, une main peinte par Bouguereau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon. Donc on savait, ça ne devait peut-être pas ingre, mais c'était quand même très beau et très bien fait. On peut voir ça, d'ailleurs, au musée d'Orsay. Bon. Donc l'impressionnisme, d'après moi, c'est du sous-art. Donc c'est le début de la décadence. Après le sous-art, il y a eu l'anti-art, le cubisme, etc., toutes ces saloperies. Et on est passé de l'anti-art au non-art, qui est l'art contemporain, qui est en fait un non-art dégénéré. Question suivante. Oui, alors, El Famoso Cuck du... Cuck. du 78, qui est encore une question pour Monsieur Delescure. Alors je vous propose qu'il change de nom, parce que j'ai traduit Cuck par Candole. Pas d'anglicisme. Ok. Ok, allez, il répond ok. Alors là, d'accord. Il est incroyable. D'accord. Ce Fischer, c'est le stagiaire. Le pêcheur, là. Vas-y, Fischer. À tout pêcheur, mais du record. Vas-y. Donc, pourquoi le domaine de l'écologie n'est présent et assimilé qu'à la gauche? Ça, c'est une erreur totale. En fait, la véritable écologie... D'abord, l'écologie, c'est une science. Bon, mais l'écologie, c'est une perversion de cette science, qui est d'autant plus pervertie que... Les vrais écologistes sympathiques comme Wächter autrefois ont été complètement éliminés par la subversion des gens d'extrême gauche. Vous savez, les gens d'extrême gauche sont des militants qui savent militer. Et un militant, ça milite. Et ils ont perdu leur fonds de commerce ancien, qui était le collectivisme, qui était la révolution prolétarienne. Donc ils se sont investis dans d'autres mouvements, et notamment dans l'écologisme. C'est d'où la formule de la pastèque qu'on employait en Allemagne, on disait mais les verts, c'est comme la pastèque, ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Donc les mouvements écologistes ont été subvertis par l'extrême gauche, en grande partie. Donc l'écologie, d'une part, c'est une science, et d'autre part, pour l'essentiel, quand ce n'est pas une science, c'est la protection de l'environnement, c'est la protection de la nature. Moi, je suis évidemment pour la protection de la nature, pour la protection des paysages français. C'est le sultan du Maroc qui devait être à l'époque Mohamed V, qui avait été capturé par les Français et ramené en France vers 1953, survole la France pour la première fois de sa vie en avion, et il dit « La France est un jardin ». Vous vous rendez compte ce que ça représente comme aménagement du sol français par des générations et des générations depuis des milliers d'années. La France est un jardin et nous le devons à nos ancêtres paysans. Alors les miens sont un peu moins paysans que les vôtres, peut-être. Ah, celle-là, elle était pas mal. Ah, je confirme pour Fischer, je confirme. une autre question. Pas les paysans. Une autre question, Fischer. Donc Renan Pouclet, qui a donc encore une question pour Monsieur Delesquin. Donc, est-ce que vous pouvez expliciter sa qualification de Candole pour F de Souche? Celui que vous un Candole, c'est quelqu'un qui se soumet au politiquement correct. Alors F de Souche, c'est un Candole Julio-Service. D'ailleurs, je le surnomme Finkielkraut de Souche. Le gars fait une statistique, il passe son temps à citer, toujours favorablement, Finkielkraut, Zemmour et consorts. Bon. Ce gars-là, il est entièrement, c'est un agent de la coterie juive, du CRIF et de la DICRA, voilà, qui est là pour intoxiquer les gens de droite. Et d'ailleurs, il dit bien de Macron, etc. Donc il a pu jouer un bon rôle autrefois, mais maintenant, il est complètement perdu pour la cause. Il est nuisible. Très bien. Ceci dit, il relaie des infos qui ne sont pas inventées. Il relaie des infos. D'abord, c'est un intérêt très limité. Il fait une sorte de revue de faits divers d'un intérêt très limité. Et en plus, il ne prend même pas la peine de traduire ou de mettre des guillemets. Il met des jeunes sans mettre des jeunes immigrés, voyez, et ainsi de suite. Donc ça a un intérêt vraiment très limité. Et objectivement, le message qu'il fait passer, c'est un message subversif qui va contre nos intérêts de droite. Une question encore, Fischer, ouais. J'appelle... Jean Duberry, qui a donc une question. Encore. Incroyable. Alors, le salut. il est très intelligent, entre parenthèses. Hein. Très bien. Donc il demande, est-ce que Papacito est sur un vol RPNL à destination de Tel Aviv? Alors, Papacito est-il juif? Non, mais c'est un peu, c'est, on le taquine là-dessus. Il est-il ou n'est-il pas? Non, absolument pas. Il est espagnol, catholique. Enfin, d'origine espagnole. Non, il n'est pas à destination de Tel Aviv, il est en provenance de Tel Aviv. Faut pas confondre. Écoutez, je vais appeler un dénommé Louis. Un dénommé Louis, si tu peux nous mettre le petit truc d'appel. Je vais appeler Louis qui a une question à poser à notre très cher Henri de Esquin. Allô? Allô, salut Louis. Salut. C'est Raptor, excuse-moi. On est en live là sur YouTube. Et okay. Donc on est en présence d'Henri de Esquin, il me semble que tu voulais lui poser une question. Oui, tout à fait. Donc d'abord, bonsoir Adrien, bonsoir Virginie, et bonsoir Monsieur de Esquin. Voilà, donc je me présente rapidement. Donc je suis étudiant en classe préparatoire d'école d'ingénieur. Et voilà, je suis catholique traditionniste et royaliste sympathisant, on va dire, de l'Action française. Donc je me posais la question. Envie de... Voilà, t'as la voix qui mue. Ouais, je suis désolé. Il est très en avance. T'as sauté trop de classe. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux dire? Question. Donc, je me demandais concrètement comment on peut être nationaliste et libéral. Parce que le libéralisme, c'est quelque chose qui est fondé sur excuse-moi. Vas-y, tu vas y arriver. Un droit de propriété, voilà, le droit de propriété comme étant la première liberté individuelle. Et la nation, c'est quelque chose qui est fondé plutôt sur l'identité, la culture, un peuple, un sang. Et je me demande comment on peut promouvoir le libéralisme, qui finalement il conduirait pas au cosmopolitisme. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, vous souhaitez répondre à cette question? Bien sûr. Arrêtez. Je crois que c'est un grave contresens que d'opposer le nationalisme au libéralisme et qu'au contraire, ils convergent. Pourquoi? L'erreur vient de ce qu'on confond la nation avec l'État. Or, un véritable nationaliste considère que l'État est un instrument au service de la nation. Il ne confond pas la nation avec l'État. Et je récuse évidemment le vocabulaire traditionnel de la gauche qui vient de la CGT, donc du collectivisme marxiste, et qui appelle nationalisation ce qui est en fait une étatisation. Donc, l'État étant un instrument au service de la nation, il n'y a pas de raison que l'on ne soit pas libéral quand on est nationaliste. Qu'est-ce que c'est que le libéralisme? C'est en fait un courant de pensée extrêmement divers et varié, il n'y a aucune homogénéité, mais on n'est pas libéral si on ne défend pas le droit de propriété, la liberté d'entreprise et la liberté de contracter. Et donc, moi je dis, la nation a besoin de cette... vision de l'économie qui est portée par le libéralisme dans l'intérêt de la prospérité de tous et de la puissance de la nation. Mais ça va plus loin parce qu'il y a, un déficit philosophique ou anthropologique dans beaucoup dans la pensée libérale qui repose sur un individualisme méthodologique qui ne dit pas ce que c'est que l'individu. L'individu, d'où vient-il? Eh bien, il faut qu'il ait une identité. Cette identité, il la tire de son hérédité, de son éducation, de sa famille et de sa nation. Et donc, en fait, un libéralisme bien construit, bien compris, aboutit, à mon sens, au nationalisme. D'où la fusion que nous proposons, la synthèse, la symbiose entre le nationalisme et le libéralisme, sachant que dans la pensée politique, les doctrines sont faites pour se mélanger et on trouve des compromis. Alors, j'ai une façon très simple de montrer que l'on peut concilier les deux. Je dis, qu'est-ce qui résume le national-libéralisme? Eh bien, c'est simple. Je vire les immigrés et je brûle le code du travail. Attends, et je répète, et je précise, et pas le contraire. Je vire les immigrés et je brûle le code du travail. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, si on fait ça, on a un individu qui se retrouve tout seul face au marché. Moi, je pense, par exemple... Où avez-vous vu que l'individu se trouvait... Ah oui, d'accord, vous défendez le code du travail. Non, non, pas moi. Ce que je veux dire, c'est que je pense par exemple à cette, la situation de l'ancien régime où il y avait des corporations qui, voilà, qui établissaient des normes, donc, par exemple un salaire minimum, et donc l'individu était, on va dire, regroupé dans des communautés qui le protégeaient justement de l'État et qui n'était pas livré à lui-même. Voilà. Et quelle horreur. Moi je suis pour la liberté individuelle et je considère que les corporations sont une abomination. D'ailleurs, le droit de grève lui-même me paraissait plutôt contestable. Je vous l'avoue. En tout cas, l'employeur devrait avoir le droit de licencier le gréviste, ce qui me paraît quand même le droit minimum. Non. Ce que vous proposez, en fait, c'est une atteinte à la liberté individuelle. Et vous êtes un peu socialiste. Tant que vous avez le droit d'être socialiste national, mais ça, la formule a déjà été essayée avant vous, ça s'appelle le fascisme et même le l'hitlérisme, c'était une forme de socialisme national. Plus socialiste que national, d'ailleurs. Donc il faut abjurer le socialisme, même sous sa forme corporatiste d'ancien régime. Dans ce cas-là, il me semble que donc, c'est l'individu qui est roi, au final. Ce que je veux dire, c'est qu'il est tout seul, et il doit... Donc vous postulez... Il n'est pas roi, parce que l'État existe, l'État est là dans sa fonction régalienne, et l'État a le droit d'imposer un service militaire, par exemple, donc l'individu n'est pas roi. Il ne peut pas faire n'importe quoi, il a sa liberté d'expression, il a sa liberté de contracter, mais... et d'ailleurs, moi, je suis libéral, je suis pour la liberté d'expression, et j'introduis quelques limites, et en particulier, je veux interdire la pornographie, vous voyez. Alors, la question de Louis, je vais essayer de traduire ta pensée. En fait, ce que tu demandes à monsieur Desquin, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre les corps intermédiaires? Je suis contre les corps intermédiaires. Je suis contre les corps intermédiaires artificiels, créés par la loi. Mais je n'interdis pas, évidemment, l'Église est un corps intermédiaire. J'allais y venir. L'Église, ou ce qu'il en reste, la famille est peut-être un corps intermédiaire aussi, si vous voulez, entre l'individu. En fait, d'ailleurs, Hayek, qui est un de mes maîtres à penser, disait fort justement que le véritable libéralisme, celui qu'il défendait, était plus un familialisme qu'un individualisme. Vous voyez ? Donc la famille est actuellement en très mauvais état, et la politique de l'État doit être... J'ai fait des propositions très précises sur le sujet dans mon programme, que vous trouverez sur mon site henridelesquin.fr. Je crois qu'il faut sauver la famille, en rétablissant d'ailleurs la notion de chef de famille. Es-tu satisfait de la réponse, mon bon Louis ? Je suis un peu perplexe, je dois avouer. Tu permets, Louis, que je donne une réponse aussi ? Parce que ce que je veux dire, c'est que... Non, donc lui, tu me mets en main, en fait. D'accord, j'ai bien compris. Est-ce que tu... excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Est-ce que tu permets qu'Adrien te réponde ? Oui, tout à fait. Alors, il y a une ambivalence sur le mot libéral. Parce que Michel Onfray et Mélenchon, par exemple, dénoncent le libéralisme. Et on voit ce qu'ils visent à Pape Reuss, c'est-à-dire ce qu'eux appellent une déréglementation, etc. Mais la doctrine de l'Église condamne une autre forme de libéralisme, ou ce qu'elle appelle le libéralisme, c'est l'encyclique Mirare Eibos de Grégoire XVI, qui est la conciliation des principes révolutionnaires et de la doctrine de l'Église. On voit bien que ce sont deux choses complètement différentes. Moi, du point de vue, je suis Grégoire XVI, bien entendu, je condamne la conciliation entre la doctrine de l'Église et la Révolution. Mais en tant que technicien du travail au quotidien, je suis forcé de constater qu'il y a des bâtons dans les roues qui sont mis à nos entrepreneurs. Je suis forcé de constater, en tant qu'avocat, donc profession libérale, que je me fais pulvériser par les charges, qu'on a besoin d'air. Donc, le problème, c'est que, dans les deux cas, sans doute, le mot libéralisme n'est pas le plus opportun et ne traduit pas le mieux la réalité, et qu'il faudrait tout simplement changer ce vocabulaire. Mais les deux mots qui sont visés, je pense qu'on peut les combattre en même temps. Voilà. Oui, alors ça c'est important. D'ailleurs, il faut toujours, quand on parle de politique, cher Louis, il faut toujours avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire que il faut se rappeler la formule d'un autre maître à penser que j'ai, Vilfredo Pareto, qui rappelait cette évidence: les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Autrement dit, le mot table pourrait désigner une chaise, et le mot chaise pourrait désigner une table. Pareto disait aussi que la discussion politique, en particulier, dure indéfiniment parce que les gens ne prennent pas le mot dans le même sens. C'est ça le problème. Alors, moi, quand je dis libéralisme, national-libéralisme, je dis défense de la liberté de contracter, le droit de propriété d'abord, le droit de propriété. Et je ne dis pas la liberté d'expression a certaines limites, puisque je suis contre la liberté d'expression pour la pornographie. Et en revanche, je ne peux pas, évidemment, étant chrétien, approuver le libéralisme philosophique. Le libéralisme philosophique, c'est l'idée que tout est relatif, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc ça, je condamne le libéralisme philosophique, évidemment, mais ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Et mon cher Louis, il y a un truc que tu dois bien mesurer, c'est que on nous prend la moitié de notre blé quand même. Oui, l'État nous prend la moitié de notre argent. Oui, oui, ce qui ne s'est jamais vu sur la planète Terre avant la 5ème République, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Cher Louis, petite remarque au passage. Il se fait agresser, Louis. Une remarque au passage. Quand vous entendez cet imbécile de Malika Le Pen dénoncer l'ultralibéralisme, oui, mais dans quel monde vit-elle? Est-ce qu'elle sait dans quel monde nous vivons? 57% de dépenses publiques par rapport au PIB. Et puis tout est interdit. Le libéralisme, c'est le droit de propriété. Et si vous oubliez pendant 24 heures ou 48 heures de visiter votre maison et que des romanichels s'y installent, vous ne pourrez plus y déloger. Voilà, c'est ça le libéralisme actuel. Romain Michel, oui. Non, c'est le terme ethnique. Oui, c'est le mot qui me fait rire. Non, mais attendez, le vocabulaire cosmopolite consiste à appeler les Romain Michel des membres de la communauté des gens du voyage. Mais c'est grotesque. Ils parlent le romani, alors ils appartiennent à l'ethnie Romain Michel. Oui, dans les bijoux de la Castafiore aussi, on parle des Romain Michel. C'est la seule expression qui nous vienne pour se désigner cette ethnie. Mais en tout état de cause, on nous prend la moitié de notre pognon. Donc il est tout à fait légitime de vouloir desserrer, je dirais, les taux de l'État, et il est naturel de vouloir payer moins de cotisations sociales. Et d'ailleurs, pour ça, la remigration, soit en passant, est la meilleure des solutions. Hein. Es-tu satisfait de la réponse, mon bon Louis, parce que ça fait 10 minutes. Voilà. Oui, bon, ça ira pour ce soir, donc bon, je vous remercie. Parfait. Voilà, et puis du coup, je vous souhaite une bonne continuation. T'es en première année, là? Non, je suis en deuxième. Et tu passes pas les concours, c'est pas les SCP, là? Non, c'est les prépa intégrés. Ah, Y a quand même une grosse sélection à l'entrée, mais... Tu as eu du flair, comme on dit. Okay. Ouais, ouais. Allez, ok, ça marche. Bon courage, Louis. Allez, ciao. Bonne soirée, merci à vous. Ciao. Au revoir. Bon, on va enchaîner avec une petite question de Fischer. Il faut se réveiller. Vas-y. Attends, je savais pas que t'allais... Ah oui, tu savais pas que j'allais te solliciter, je comprends, Fischer. Vas-y. Bon, on peut lire peut-être quelques noms, Alex. Et lequel sera le plus rapide entre les deux? Ah oui, j'ai une question pour vous, Henri Mesca. Ne considérez-vous pas comme du candorisme que de pointer du doigt et de critiquer le fascisme qui est, que vous appelez socialisme national? Non, la vérité, c'est que sur le plan éthique, le fascisme, qui est une forme de socialisme, c'est du socialisme national, se place au-dessus du socialisme qui n'est pas national. Le socialisme, dans un livre que nous avons fait au Carrefour de l'Horloge, qui s'appelle « Socialisme et fascisme, même famille », nous disons, enfin je le disais d'ailleurs personnellement, que le fascisme a représenté un rehaussement éthique du socialisme. Mais c'est du socialisme encore. Vous êtes vraiment, même en cas de modification du code du travail, le socialisme, vous serez contre? Comment ça, modification du code du travail? Le code du travail n'est pas éternel, mais il peut y avoir des modifications tout en restant dans un modèle socialiste. Et vous serez quand même contre. Non mais en fait je propose une solution extrêmement simple consistant à dire le contrat de travail peut déroger au code du travail. En fait, ce qu'on met dans le code du travail, le code du travail peut dire je retiens ce que je veux. Comme ça on règle la question, on ne brûle pas le code du travail mais ça arrive à même. D'accord. On le contourne. Et non, le code du travail c'est une des causes principales du chômage. Hein. Quand je dis qu'il faut virer les immigrés et brûler le code du travail, l'une ou l'autre de ces deux formules suffirait à éliminer le chômage français. D'accord. C'est-à-dire que même si on avait le travail actuel et qu'on virait les immigrés, on n'aurait plus de chômage. Même si on ne virait pas les immigrés et qu'on brûlait le code du travail, on n'aurait plus de chômage en plus. Donc vous n'avez pas de scrupules, entre guillemets, à ce que les gens travaillent pour quasiment rien, tant qu'il n'y a pas de chômage? Les gens ne sont pas obligés. S'ils ne veulent pas travailler pour quasiment rien, qu'ils refusent le contrat. Et vous pensez que ça va faire une sorte de jeu de salaire entre le patron et l'employé? Ça s'appelle le marché du travail. Évidemment, c'est la loi de l'offre et de la demande. Très bien. Et c'est, évidemment. Et je vous signale que quand on réémigrera les immigrés, inassimilés, ça fera monter le salaire. Ouais, l'immigration... C'est l'armée de réserve du patronat. Ça crée une pression au rabais sur les salaires. Donc si on vire les immigrés, les salaires vont jusqu'à monter. Jusqu'à la limite du SMIC. Le salaire des ouvriers non qualifiés, des employés non qualifiés, va monter à la suite du départ des immigrés. Et il montera parce que la part de salaire qui part en charge sociale pourra être perçue par les salariés. Parce que surtout la réémigration, ça fera énormément baisser les charges sociales. Évidemment. On est massacré par les charges sociales. Évidemment. Le je te sens vraiment très touché par ta dernière déclaration d'impôt. Je me fais dépouiller chaque année. Je fais 7 déclarations d'impôt chaque année quand même. Hein. Faut le savoir ça. Hein. Faut le savoir. Comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Mais bien plus que davantage que le code du travail, je pense que c'est le coût du travail qui vraiment... Alors je vous conseille d'ailleurs, je conseille ça à tous les employeurs qui nous écoutent. quand vous faites une feuille de paille, je mettez sur la feuille de paille, faites apparaître le plein salaire. Le plein salaire, c'est le vrai salaire pour l'employeur, c'est-à-dire le salaire brut plus les charges dites patronales. Ah, d'accord. C'est très simple, vous mettez une ligne plein salaire. Et vous mettez une ligne plein salaire et en dessous, pris par l'État, la différence salaire net. Et vous verrez, c'est très pédagogique. Pour pleurer, d'accord. Très bien. Le salarié verra ce que l'État lui prend. On va lire une dernière question, Fischer, sur le tweet, ensuite on va... Oui, alors le planteur qui demande, alors aux intervenants, que pensez-vous de Napoléon Ier et Napoléon III? Ça peut... Moi, j'en pense beaucoup de mal. Hein. Ah, moi aussi. J'en pense vraiment beaucoup pas de mal. Pas pour les raisons, mais... Alors écoutez, d'ailleurs on pourrait résumer. Napoléon Ier, c'est Waterloo. Napoléon III, c'est Sedan. Donc ce sont des régimes qui se terminent par des catastrophes. Napoléon Ier était un génie de la propagande. Il a été une catastrophe pour la France. Voilà. Bon bah voilà, c'est clair. Une autre question, mon bon Fischer? Là non, bon bah, t'as vraiment été au top ce soir. Non, mais réfléchissez un peu à Napoléon Ier. J'ai découvert l'étendue de la mystification à propos de la campagne d'Italie. Pardon, pas de la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte. Quand on vous apprend la campagne d'Égypte, on vous présente ça comme quelque chose à la gloire de Napoléon. Du haut de ses pyramides, 30 siècles, vous contemple. Mais en fait, il est parti, c'est scandaleux, il est parti... honteusement, en abandonnant son armée, qui a été entièrement capturée par les Anglais. Donc cette campagne d'Italie était un fiasco total. Et il a aussi abandonné son armée, d'ailleurs, en Russie. Donc Napoléon, c'est une série de fiascos totaux. La campagne d'Égypte, l'Espagne, la campagne de Russie, Trafalgar, il a même réussi à se faire battre par les Congolais d'Haïti, il faut quand même le faire. Bon ben voilà, on sent que vous avez un avis tranché, parfait. On va reprendre la lecture des dons cette fois-ci. On a Jean Valjean, merci à toi, qui me dit « La musique qui tourne en boucle sur nos radios participe activement à abrutir le grand public. Aujourd'hui, peu de gens ont la capacité d'apprécier la musique classique, ce qui est à mon sens d'une grande tristesse. Monsieur de Lesquin, un titre à proposer de classique ?» Ah bah écoutez, moi ce que je préfère c'est l'opéra. Donc les trois opéras que je préfère, c'est la Norma de Bellini, Tristan de Wagner et puis Don Giovanni. La Cina de la Mano, la Midi Radici. Un grand amateur. Moi je conseille Clair de Lune de Debussy. Moi. Et sinon, je pense que pour combattre la musique nègre ordinaire, eh bien il faut diffuser la bonne musique française. Encore malade. Non, mais la musique... Maître Gims. Mais la musique française mélodieuse et traditionnelle, quoi. Bon, moi j'en suis un peu resté, j'avoue, à Edith Piaf et à Jacques Brel, mais qui était belge. Enfin, bon, que pensez-vous des préludes de Liszt? Ah bah, c'est superbe, évidemment. Virginie, un titre. C'est superbe. Non. Bizet, j'aime beaucoup. Très bien. Carmen, c'est admirable, Carmen. Super chanteur. Tout est admirable. C'est admirable. Passons à la suite alors. Berlioz est quand même pas mal non plus. Hein. Même la Marseillaise orchestrée par Berlioz, c'est quand même c'est superbe. Passons à la suite des dons. Le sysadmin FDP qui nous dit « Vendons les immigrants et rémigrons les saloperies plutôt. » Bon, très bien. Très bien. Bon, Edouard, merci à toi qui me dit « J'ai commencé le Kyokushinkai et le JJB. » Juste brésilien. Il y a quelques mois pour être moins une merde, tu as bien fait. Et je trouve finalement vachement sympathique les quelques halogènes qui s'entraînent avec moi. Est-ce que les sports de combat sont des sens cosmopolites? Non, les sports de combat, l'origine des sports de combat, ils viennent tous en fait du Kerala, au sud de l'Inde. C'est dans le sud de l'Inde que pour la première fois on a codifié et inventé les sports de combat. Qui ensuite se sont répandus en Chine, et puis de là en Chine et au Japon, dans le sud-est asiatique. Donc... Non, moi je crois qu'il ne faut pas refuser les emprunts aux autres civilisations, hein. Ils peuvent être bien. Cela dit, bon, je conseille quand même la boxe française, l'escrime, ça me paraît quand même plus français. Hein. Très bien. Alors on a Jean Bonneau qui nous dit « Excellent live, de l'escrime au top de sa forme ». Il faut le savoir. Top. Top. Au sommet, frère. Au sommet de son art. C'est n'importe quoi. Au sommet de son art. Merci encore à Light Yagami. Merci à Équipe Molka, ça ? Équipe Molka. Qui dit bonsoir, félicitations pour tout ce que vous faites ensemble et chacun de votre côté. Continuez, c'est ce qu'il faut à la France. Pas le temps d'attendre le site, trop déter. Équipe sud francilien @gmail.com. Bon, démerdez-vous. Pour ceux dans le coin, Évry, c'est Narme. Merci à Lord Valade qui dit je postule pour devenir PDG de RPNL. C'est déjà pris ou... Non. Moi je veux des actions. Mais vous savez, RPNL c'est amusant, mais je trouve que le bateau c'est bien aussi pour traverser les économies, quoi. Transporter les réémigrés. Hein. Très bien. Il y a peut-être une plus grande charge possible sur les bateaux. On peut en mettre beaucoup plus. Le passé l'a prouvé. On en met 2000 à fond de cale avec des chaînes. Et ils pourront ramer. Alors, merci à Nils Leroy, qui est souvent là. Merci beaucoup. T'étais pas là la semaine dernière, tu nous as manqué. Merci beaucoup, Nils Leroy. Cordial hommage coutumier. Au plaisir de vous écouter en replay. Amitié, merci beaucoup à toi. Pierrot, merci à toi. Mustapha, qui nous dit « Cela fait du bien d'entendre un discours de vérité dans le chaos médiatique assourdissant ambiant. N'oubliez pas d'intégrer les Arabes qui aiment la France de votre paradigme. Je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais il en existe, heureusement. » Qui se convertissent au christianisme. le message est passé. Now Futur. Virginie est d'accord, hein. Oui, et d'ailleurs... C'est le retour de la messe, vas-y. Non, je voulais juste dire que sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de messages de musulmans ou de musulmans qui ont l'intention de se convertir ou qui se sont convertis. Attention, il va y avoir une fatwa sur toi, Virginie. Non, juste parce qu'ils admirent le fait que l'on défende fermement ses convictions. Ah bah, j'essaie de convertir les musulmans. Donc c'est important. Chaque fois que je prends le taxi que le chauffeur est musulman, j'essaie de le convertir. Je pense qu'on respire. Et non pas le contraire. Now Futur, alors grave erreur, Henri, il y a un Y, il n'y a pas de I dans votre nom. Henri de Lesquin, c'est écrit sans I. Il y a 4 ou 5 fois la lettre E comme Ernest et jamais la lettre I comme une question pour vous. Ah, que pensez-vous de l'imitation de vous du Raptor? Pouvez-vous vous venger en l'imitant à votre tour? J'en suis incapable. Le Raptor est excellent, donc moi j'admire son talent, je suis incapable de l'imiter. Je vous remercie. Alors, on a le bon Perceval qui dit « J'invite Henri à mieux se renseigner concernant le réchauffement climatique, qu'il se limite à parler de sujets qu'il connaît tant qu'il n'a pas fait de recherche. » Cher monsieur, j'ai justement vous tombé mal, j'ai vraiment étudié la question du réchauffement climatique. J'ai lu vraiment 10, 15 bouquins et 50 articles. Et je suis l'auteur du rapport sur le prix Lysenko, le prix de la désinformation scientifique attribué à Jean Jouzel, je crois que c'était en 2010, donc je connais très bien le sujet. Et je vous assure que c'est un bobard et il n'y a pas de réchauffement climatique causé par l'homme. Mais c'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que s'il y avait un réchauffement climatique, il faudrait s'en féliciter. Il faudrait s'en féliciter parce que les périodes de chaude dans l'histoire de l'humanité sont de bonnes périodes. On parle de l'optimum médiéval lorsque le Groenland, ce qui veut dire en danois Greenland en anglais, terre verte, au Xe siècle était vert et beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Donc tout ça est une sottise. Il y a un réchauffement climatique aujourd'hui par rapport au petit âge glaciaire de l'époque de Louis XIV, 1715, mais par rapport à l'optimum médiéval, il n'y a pas de réchauffement, il y a un refroidissement climatique. Bon, et ben voilà, mon personnel. Alors Jean Bonneau, encore une fois, qui nous dit une imitation de Desquin par le Raptor SVP. Alors est-ce que vous m'autorisez ça ou... Oui. Ça va mettre à l'aise. Bon, on va tenter sans mettre à l'aise. Alors, la France est un pays de race congoïde. Non. Non. Alors l'imitation est ratée là. T'as droit à une imitation. Merde, c'est pas congoïde. Bon bref, de toute façon, c'est une malaise à venir, donc on va te permettre de passer à la suite. Alors, on a Australo qui nous dit salut à vous. Raptor, je remarque que tu utilises fréquemment des mots et expressions arabes, notamment dans tes stories. Ne penses-tu pas que même si c'est pour le délire, ça va contribuer à banaliser la langue arabe? Bah en fait c'est de l'ironie absolue parce que tout le monde parle comme ça, si t'entends n'importe quels arabes en France, ils disent des voilà tous les trois mots. Donc en fait, en parlant comme ça, ça contribue à ridiculiser ce genre de discours. Donc je pense que c'est au contraire ça a cet effet là. Je précise que c'est pareil pour moi quand je parle des frères qui sont webs. Webs. Il y a un mot qui est passé que j'ai fini par accepter, c'est le mot quai pour dire les frères. Et les quai. Les quai. C'est ça. K H les Y. C'est ça. Les ré. Les ré, c'est un phonème qui n'est pas français. Alors. Tout à fait. Alors on a Dara, merci à toi, donc toutes les semaines là. J'ai pas pu assister au live malheureusement, mais un petit don car je me doute que celui-ci devait être formidable. Merci à toi. Je regarderai le podcast. Bonsoir quand même. Bonsoir à toi. Faramond qui nous dit bonsoir, super live, tout ça, tout ça. J'avais une question pour Monsieur Abouzi. Êtes-vous légitimiste? Non. Voilà. Sinon, c'est un énorme plaisir d'entendre Monsieur Desquin, il faut qu'il rejoigne l'équipe, tout à fait. Cochon Laineux qui nous dit, quel Dream Team ce soir, des infos sur la sanction que vous allez mettre à l'insolent homosexuel et zoophile oral. C'est pas moi qui le dis, c'est dans son livre T'en auras très bientôt, je travaille activement dessus. Ça restera de l'ordre des enfants, du ricanement, puisqu'en fait il s'est réduit tout seul à venir dans ma cour, c'est-à-dire dans la cour de récréation. Voilà. Donc je vais lui montrer qu'en fait, dans le bus scolaire, moi je suis au fond du bus à faire des bêtises. Tu vois. Et malheureusement il m'a rejoint dans le bus scolaire, donc tant pis pour lui. Joe qui nous dit mes excuses à Fischer, Alex s'est rattrapé depuis, pas besoin de le frapper, parce qu'il est confondu. du moins pas trop fort. Merci à Le Planteur qui nous dit bonsoir et bravo pour les lives, j'attends désormais avec plus de plaisir le dimanche soir. Connaissez-vous les romans d'aventure du commandant Émile Drian? Oui, c'est un héros que le... Et bah voilà, c'est Henri d'ailleurs, c'est... Il s'appelait Henri d'ailleurs. Tout à fait, et c'est colonel d'ailleurs. Et d'ailleurs sa photo est sur mon livre, donc... Ok, très bien. Et ensuite, on a Nicolas qui nous dit mon noble à la rémigration. Quel beau plateau, merci pour ce beau R2V. Voilà. Et l'abricot blanc, la grande, grande question est ce que monsieur de Esquin porte des t-shirts et quelle taille fait-il pour avoir son t-shirt monte une équipe? Alors, nous n'avons pas de t-shirts, mais des maillots. Des maillots. Quel maillot, quelle taille votre maillot, si c'est pas indiscret? Moi, j'avoue que je porte des maillots, mais sous une chemise. Sous une chemise. On va faire des chemises. Avec des poignées mousquetaires à boutons de manchette. On va faire une chemise. Et avec une cravate. Donc le maillot n'est pas apparent. Très bien. Adrien, tu... Non, tu te craques les doigts. Tu peux me mettre les... Le maillot n'est apparent que lorsque je me déshabille. Je ne le fais pas en public. Très bien, mais, très bien. On vous en demande pas tant, vous inquiétez pas. Alors, on a... R21, merci à toi, habituel. Après une journée bien remplie, je m'en prends comme toujours plein les oreilles. Les petites merdes de Candol Gaucho doivent s'étouffer de rage. Un régal, putain, quel plateau ce soir. Manque Papa Cliffhanger, bravo et merci Raptor. Bah, écoute, merci à toi R21, t'es là souvent. Merci à Horace, bah, on les a déjà vus les autres, non? Ah oui. Victor Hugo est un des plus grands génies français, pourtant de gauche, qu'en pense de l'esquin. Non. Victor Hugo est un grand poète, mais ça n'est pas du tout un génie français. Non, écoutez, il n'est le premier nulle part, ni dans la poésie, ni dans le roman. Franchement, Balzac est très supérieur, par exemple, pour les romans. Et il y a 100 poètes français qui sont supérieurs à Victor Hugo. Enfin, peut-être pas 100, mais au moins 40. Notamment Lamartine. Et Concorde Malade aussi. Ah, excuse-moi, je confonds. Ouais, très bien. Alors, on a Edmond Dante qui nous dit merci pour cette émission. Dantès. Ouais. Edmond Dantès, oui. Qui nous dit... Moi, c'est Edmond Dantès. Merci, Edmond Dantès, qui nous dit merci pour cette émission, qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Ah ouais, ça, c'est pas tout un programme. C'est le programme du PNL, ça. Et MPK, qui nous dit, je vous conseille Monster Hunter, un jeu dans lequel tu incarnes un chasseur-cueilleur. Très bien. Bon, on prendra note. Écoutez, on va passer tout de suite au rémigration quiz. Est-ce que vous êtes prêts, Henri de Lesquin? Oui, toujours. Allez, c'est parti. Oui, alors, je vous présente le Rémigration Quiz, qui est la dernière invention de l'émission, spécialement destinée à vous. Alors, quel est le principe de l'émission? Je vais vous proposer des personnalités, très bien, et vous allez dire, vous aurez le choix. Pourquoi tu rigoles? Vous n'avez pas le droit de les voir tout de suite, attention. Vous aurez le choix entre Rémigration prioritaire, Rémigration et On le garde, très bien. Êtes-vous prêt, Henri de Lesquin? Oui, bien sûr, mais attendez, je vais peut-être faire un préalable. C'est que moi, je ne rémigre que ceux qui ne sont pas français. Oui, mais vous proposez pas de problème de rémigration forcée en Guyane, dans des camps? Pour des nationaux. C'est pas de la rémigration. j'ai une forme différente, je propose la mort civile. Pour ceux qui sont vraiment très très mauvais, la mort civile, c'est-à-dire ils perdent tous leurs droits, et ils n'ont plus de droit civil, ni de droit civique, mais de droit civil, ils n'ont plus le droit de rien, procéder, etc. C'est une peine qui existait au 19e siècle. Vous voulez forcer à l'exil? Ah ben non, ils restent en France, mais ils n'ont plus aucun droit. Ils n'ont même pas le droit d'avoir de la propriété. Ça s'appelle la mort civile. Très bien. Donc je vous dirais... C'était bien les camps, Guyane. Je vous répondrai peut-être mort civile dans certains cas. Ok, très bien. Mais au lieu de rémigration. Es-tu prêt, Alex? J'ajoute mort civile. Es-tu prêt? On va commencer avec... qui est le premier? BHL. BHL. Affiche-nous... BHL, rémigration prioritaire. Rémigration prioritaire en Israël. Très bien. Suivant. Alors, on a le rappeur Noirem. Je ne connais pas. Rémigration en Wakanda. Et Kev Adams. Vous connaissez Kev Adams? Oui. Alors, il est sympathique, mais je dormis. Rémigration non priorité en Wakanda. Très bien. Alors, Daniel Obono. Ah bah l'immigration très prioritaire au Gabon, je crois. Dis donc. Et Jean-Luc Mélenchon, aussi appelé Jawad Tariq al-Mélenchoni. Non, mort civile. Ah, très bien. Alors Jawad Ben Daoud. Rémigration quelque part en Afrique du Nord. Très bien. Jean-Vincent Placé. Mort civile, parce qu'il a été adopté, donc on peut pas l'envoyer en Corée. Et pourquoi vous faites pas boire de l'alcool pour l'intégrer au PNL? Ah oui, ça c'est vrai. Bah oui, fallait y penser. C'est vrai. Quand même. Il est raciste, mais pas dans le bon sens du terme. Très bien. Karim Conversano. Est-ce que c'est Daniel Conversano? Il y a quelques pièges. Non, alors là, c'est un immigrant, toi, ça. Il m'a invité gentiment, je sais pas ce que vous avez contre Conversano. Bien joué, c'était un piège. C'est un garçon sympathique. Majid Oukacha, qui est une frayeur, c'est d'être remigré. Ah bah, il faut le remigrer en priorité, lui. Ah, vous connaissez les cordeaux, Ah non, c'est pas Majidou Chic, je pense que vous confondez. Ah, je comprends peut-être. Ah, vous confondez avec Majidou Chic. Majidou Kacha est un youtubeur, c'est pour ça que ça m'étonnait, qui fait des vidéos anti-islam. Alors je retire, ouais. Donc on me remigre pas. Très bien. Papacito. Je sais pas qui c'est. Ah, bah c'est celui qui est en provenance de Tel Aviv, qui travaille sur une nouvelle variété de pois chiches. Bon bah, il faut l'envoyer en Israël. Très bien, bah, il était espagnol, mais très bien. Alors, rémigration avec Valls et Hidalgo en Espagne. Il sera heureux de l'entendre. Moi-même, alors, temps dissident. Ah bah non, ça je le garde. Ah, non, merci. Le dernier à partir. Je le garde. Très bien. Alain Soral. Alain Bonnet dit Soral. Mort civil. Très bien. Il est suisse, hein, aussi. Oui, il est suisse. Alain Bonnet de Soral, il est... Non. Éric Zemmour. Rémigration d'Israël. Ah bon! Vous pouvez nous justifier ce dernier choix? Bah, si vous voulez, c'est un gars qui occupe le terrain pour le compte du CRIF en réalité. Allez-y, parlez dans le micro. Non mais Éric Zemmour défend de bonnes idées en général, puisque ce sont des idées qu'il plagie de celles qui ont été développées par le Carrefour de l'Horloge. Donc il occupe le terrain. Vous l'accusez de plagiat, un Soral l'accuse de plagiat, le pauvre. Non, le plagiat, mais moi ça ne me gênerait pas qu'il diffuse des bonnes idées. Mais il faut quand même... J'ai fait un article sur mon site où je l'appelle un parasite. Et j'ai lu ses livres, enfin je n'ai pas lu tous ses livres, j'en ai lu deux, ça m'a suffi. Cet homme n'aime pas la France. Il a fait un livre qui s'appelle Mélancolie française, où il explique tout le mal, avec une prétention incroyable, enfin il a signé un livre... où il développe une philosophie d'histoire totalement prétentieuse et ridicule, où il explique en gros que la France a tout raté. Donc on est difficilement plus anti-français que lui. Puis voilà quelqu'un qui vous dit que l'idéal de l'assimilation, selon lui, c'est juif à la maison, français dans la rue. Mais c'est comme si moi je disais catholique à la maison, français dans la rue. Enfin, c'est complètement ridicule. Ça veut dire, en fait, juif en réalité, mais français en apparence. Et puis il dit aussi... Éric à l'état civil, Moïse à la synagogue. Donc c'est clairement quelqu'un... C'est un juif français, ce n'est pas un français juif. Vous voyez ? Donc il faudrait émigrer en Israël. Très bien. Et bah écoutez, c'est tout pour le rémigration quiz. Je sais pas s'il y a d'autres personnalités qui veulent un esprit comme ça. Mais... Non, tu nous prends dépourvu là. Ouais, très bien. Bah écoutez, on peut passer. Bon, je pense que même c'est la fin de l'émission. Pas de monte une équipe ce soir, on a donné les petites infos pour le site. Je sais pas si vous êtes au courant de monte une équipe, Henri Desca. Donnez-moi votre avis. Une équipe pour quoi faire? Alors écoutez, nous on essaie de créer une dynamique chez les jeunes qui est de monter des équipes d'entraide où ils pourront se former mutuellement, intellectuellement, culturellement, et en même temps se mettre au sport pour regagner une certaine... certaines estimes d'eux-mêmes. C'est bien, mais il faut fédérer ça et le développer, c'est excellent. Ouais, on y travaille justement. C'est d'accord. Excellent. Très bien. Très bien. Bon, bah, parfait. Mais c'est très différent d'Internet. Hein, Ah bah c'est pour justement lier l'Internet à la réalité. Et ouais, retomber, c'est bien, du virtuel au réel. Et bah écoutez, parfait. On va refaire le tour de table pour... Est-ce que vous voulez un dernier mot? Écoutez, merci au Raptor, merci à... Fischer et Alex. Fischer. Et j'étais ravi de faire la connaissance de Virginie Vota. Vota, oui. Merci. Et d'Adrien Abosier. Et voilà, donc je vais lire les livres avec passion. J'espère si je reprends mon émission Radio Courtoisy, j'inviterai l'ami Abosier, s'il accepte de venir, bien entendu. Ouais, avec plaisir. Pour parler de son livre. Et on peut vous retrouver. Qui s'appelle La France divisée. Contre elle-même. On peut vous retrouver en EDS 15 sur YouTube. Donc la chaîne est dans Facebook, YouTube, Twitter. Très bien. Et vous n'avez pas de rythme de vidéo un peu comme moi, mais Ça dépend de mon équipe. Hein. Mon équipe sont des jeunes qui passent des examens. Alors quand ils passent des examens, ils sont moins ardents pour mettre en ligne. Très bien. J'en ai quelques-uns en réserve, et quelques-unes en réserve. Alors je vous signale mes dernières vidéos, c'était la vidéo sur les keuk, candos, les tocards. Ouais. La philosophie. Et la dernière, c'est le vice constitutif de la philosophie occidentale. Je crois que Virginie Vota a bien voulu l'apprécier. Oui. Je vous la recommande. Très bien. Alors, Des minutes pour comprendre le vice constitutif de la philosophie occidentale. Adrien Bozy, merci d'avoir été présent ce soir. C'est toujours un plaisir. Et puis, si Dieu le veut, mon prochain livre sortira d'ici un petit mois et demi, deux mois. Très bien. Et il va piquer. Très bien. Il va piquer. Donc, toi, tu as La France divisée contre elle-même. On ne cesse de le répéter. Tout à fait. Disponible aux éditions Altitude. Le lien est dans la description. Et on l'achète sur le site de la maison d'édition et non pas sur Amazon. D'accord. Et Amazon va entendre parler de moi. Eh ben Virginie Vota, merci d'avoir été là ce soir. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Eh ben un plaisir, on peut te retrouver sur YouTube, une vidéo tous les mardis, si j'ai bien retenu. Exactement, tous les mardis. Et quel est le sujet de la prochaine ? Alors le sujet de la prochaine, c'est la guerre d'Algérie et le rôle, la stratégie du général de Gaulle. Je vais présenter deux ouvrages qui sont vraiment percutants. Alors je me permets de vous dire à ce propos que j'ai fait une uchronie. Effectivement, que j'ai mis sur mon site. Une uchronie sur la guerre. J'aime beaucoup les uchronies. Oui. Vous savez, une uchronie, c'est différent d'utopie, ça consiste à partir de l'histoire réelle et puis à supposer qu'elle diverge. Ouais. Alors là, avec beaucoup de modestie, je suppose que je suis à la place du général de Gaulle et je dis ce que j'aurais fait à sa place. et c'est assez original. Disponible sur henriduesquin.fr. Henriduesquin.fr, c'est la. La rubrique analyse. Très bien. Analyse où on trouve les uchronies. Fischer, merci d'avoir été présent. Toujours Peps, comment ça va, tu t'en es remis. Et merci à toi Alex pour la régie comme d'hab. Ouais, bon, il acquiesce. Et merci à vous, merci à tous les auditeurs. Merci évidemment aux donateurs qui permettent de financer l'émission et de payer donc des apéris cubes et le Uber. un excellent jus de fruits. Elle en veut plus, Virginie. Un excellent jus de fruits. Un excellent jus de fruits pomme framboise. Ouais. J'achèterai une troisième bouteille la prochaine fois. Et, merci à tous ceux qui participent en tweetant et qui font vivre l'émission. Écoutez, à la semaine prochaine. Vivement dimanche. Bon, ben, merci à vous. Très bonne émission. J'ai trouvé. Je suis content, mais j'ai gagné. Très très bonne émission. Combien avez-vous fait de... auditeur. Apparemment, à un moment, on était à 9000 et quelques. Ah, là, forcément, ça disparaît. C'est un excellent score de finir sur 7000 à cette heure-ci. Il est minuit. Vous avez créé le buzz. Il est minuit. Vous avez créé le buzz. C'est pas mal, quoi. Apparemment, on a atteint les 9000 et quelques, 500, donc 10000 peut-être. Ouais, c'est bien. Sachant que moi, à l'époque, Topaz, j'avais demandé quand tu as une moyenne de 3000. Combien de personnes viennent sur toute la soirée, et en fait quand il y a une moyenne de 3000, c'est x10. Thank you.